vous êtes à CIF. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Jimmy Thibodeau et Louis-Philippe Quentin seront là pour parler d'actualité internationale et locale. Et Gabriel Méhoud s'insérera subtilement dans les couilles de la huître pour raconter le match d'impro d'hier. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki en ce mardi 9 février 2016, 77 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hola! Ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Est-ce que t'as bien dormi cette nuit? J'ai bien dormi. Je vais t'avouer que j'ai étudié beaucoup hier. Encore? Je suis stressée parce que mon examen, c'est aujourd'hui. Oui, ce matin. Ouais, puis j'ai comme fini toutes mes lectures hier, donc de ce côté-là, je suis stressée quand même. Mais sinon, non, j'ai super bien dormi. Good! C'est le fun, ouais. Moi aussi, si on veut. Ah, ouais. Pas dormi longtemps, l'impro hier. Aha, bon, grosse soirée. On va en parler tout à l'heure avec Gabriel Béhoud à 8h30 pour la chronique dans les coulisses de la Luître. On a aussi aujourd'hui Jimmy Thibodeau et sa chronique sur l'actualité internationale passée sous le radar. C'est dans le monde que ça se passe. Mm-hmm. À 9h, on a Louis-Philippe Quentin de Journal Zone Campus. Il va venir nous parler du plus récent numéro qui sort aujourd'hui. Donc, je dirais en avant-midi, ton examen. Et la sortie de Zone Campus, les deux moments marquants. C'est beaucoup, hein? Ouais, je sais, moi aussi, je me dis que... Hey boy! Ta chronique à toi, Tania, est-ce que tu as qu'est-ce qui s'en vient? On parle de musique ce matin. Oh, musique. Oui, ouais, de musique, d'artistes et de playlist. De playlist? Ouais, et de plaisir. Et de play sur le genou parce que j'ai tombé cette semaine. Oh non, t'as tombé ce matin? Non, plutôt cette semaine. Ben, ça se passe. C'est bon. Pas vu le trou dans mes jeans? Non. Gros trou dans mes jeans hier. Tu regardes pas mes genoux? Ouais, non, c'est ça. Je vais avouer que je regarde pas tes jeans déjà en partant. Ah, Tania, déjà, là, moi, je pensais que physiquement, les genoux, c'était quelque chose qui t'intéressait. Oh, tout le temps, ça me fait de l'effet. Des genoux poilus? Ça me fait de l'effet. Des genoux poilus, ça a pas de bon sens. T'as mes poils? C'est ça. Bref, c'est l'émission d'aujourd'hui. Une grosse émission. Ouais. Ça a pas d'allure cette semaine, comment c'est gros, c'est gros. C'est fou, hein? Ouais. On était censé avoir quelqu'un ce matin, mais. Mais. On l'aura la semaine prochaine. Oui, exactement. Quelqu'un pour écouter en spectacle. C'est supposé être tous les jours cette semaine. On en saute une journée. Ouais. Voilà, donc on se retrouvera demain pour ça. Commençons en musique, tiens, avec Mess Around, toi qui vas nous parler de musique tantôt. Donc on se met dans l'ambiance musicale. Donc voici Cage the Elephant et Mess Around. Assemblage requise! Ouh! Voilà! Oh, St. Louis, God. Mess Around par Cage the Elephant à Assemblage requis. Maintenant, un animal qu'on n'arriverait jamais à mettre en cage parce qu'on n'apprivoise pas les éléphants sauvages. On l'a déjà dit. Ouais, j'ai déjà fait celle-là. Je pense que oui. Je pense que oui, ça me dit quelque chose. Des fois, des blagues dans ma tête qui me viennent, puis je me dis, il me semble que je les ai déjà faites. Bref, c'est Daniel Baudin que voici avec Tania S. Gunner Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! She's gonna entertain! Hey Tania, t'as tellement de talent, pendant la chanson, t'as changé ta mousse de micro. Personne s'en a rendu compte, t'as-tu vu ça? C'était comme si t'étais habitué à mettre quelque chose au bout de quelque chose d'autre. C'est une joke! T'as aucun bon sens, c'était facile, j'avais pas le choix. Terrible. Donc, Tania, on parle de musique aujourd'hui. Oui, on parle de musique. Comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai passé pas mal les dernières journées à étudier. Oui. Je vais vous avouer que moi, quand j'étudie, je ne suis pas nécessairement capable d'écouter du monde chanter. Oui, moi non plus. Ça me déconcentre beaucoup, sûrement parce que je parle couramment l'anglais. Donc, d'écouter une chanson, ouais. J'essaie d'associer les mots, j'essaie de tout simplement écouter ce que la personne veut chanter. Et c'est encore pire quand tu les connais, les chansons, parce que tu veux chanter dessus. Parce que là, tu veux chanter, tu es déconcentré de ce que tu as à lire ou de ce que tu as à étudier. Toi qui es fan de karaoké en plus, tu sais. Ah ouais. Donc de ce côté-là, je vais vous avouer que j'écoute pas beaucoup de chansons complètes. J'écoute beaucoup de pièces musicales. Ouais. Et quel style que j'écoute? Eh bien là, c'est là que je vais vous surprendre peut-être. J'aime beaucoup écouter soit du classique ou de l'acoustique lorsque j'étudie. Oh, c'est différent parce que dans la vraie vie, t'aimes bien country, le EDM, les trance dance music, des trucs comme ça. Mais je vais avouer que le premier spectacle que j'ai vu de toute ma vie, c'était un spectacle de violon classique. C'était Angèle Dubaud. Ah! Ouais, et mon père m'avait amené là et j'ai adoré. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, beaucoup de classiques. Mmh. Et je me suis rendu compte récemment, lorsque j'ai commencé à étudier à nouveau, que, en fait, le classique, ça m'aidait beaucoup à me concentrer lorsque je devais lire, exemple, pour beaucoup de chapitres. Ouais. Mettons 8. Mettons 8 chapitres, pour faire l'estimer, comme ça. Là. Donc, de ce côté-là, ça m'aidait vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé la playlist qui me plaît le plus. Je l'ai écoutée sur repeat toute la fin de semaine pour étudier. Et en fait, elle est trouvable sur 8tracks.com. Mm-hmm. Là, je vous présente vraiment la playlist. Je vais pas vous présenter chaque chanson parce que automatiquement, on serait rendu à comme 15 morceaux à vous présenter. Mais sachez qu'elle s'appelle Night Studies. Ah. Donc, comment est-ce que je l'ai trouvée? C'est pas très, très compliqué. J'ai marqué dans la barre de recherche Studying. On se rappelle que 8tracks, présentement, c'est seulement en anglais. Donc, si vous faites des recherches dans la barre de recherche, bien, ça va simplement être en anglais que vous allez pouvoir trouver des listes de lecture ou quoi que ce soit. Donc, j'y ai vraiment été avec Studying et non pas Study parce que si on écrit différemment, bien, ça va nous trouver des listes qui vont être différentes. Okay. Ils vont vraiment y aller avec ce que vous allez taguer, disons-le comme ça. Donc, vous allez la retrouver dans Studying et elle s'appelle Night Studies. Elle a été déclarée la playlist la plus écoutée pour étudier. Ah, wow! Ouais. Ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent Studying qui prennent celle-là. Et c'est la première qui sort, bien évidemment, maintenant parce qu'elle a été écoutée plusieurs fois. Donc, de ce côté-là, on retrouve de la musique d'ambiance beaucoup. On va retrouver de la musique quasi classique. Il y a quelques pièces que vous allez peut-être reconnaître, dont du Debussy. On va pouvoir écouter Claire de Lune de Debussy qui est du piano. On va entendre beaucoup d'acoustique. Il y a plusieurs musiciens ou chanteurs de renom. Je parlais de Debussy. Il y a aussi Xavier Rude, Novo Amor. Ce sont vraiment des musiciens et des chanteurs qui sont connus pour leur côté acoustique et plus calme, je dirais. Et ça, quand tu nous as parlé de 8tracks, c'est des gens qui font les playlists eux-mêmes. Donc, dans le fond, toi, tu pourrais partir une liste qui s'appellerait Nice Studies, si tu voulais. Si tout à fait. Okay. Je pourrais comme tu dis, me partir une liste avec plusieurs styles différents. Je pourrais mettre des pièces qui sont entièrement québécoises ou entièrement francophones. Par contre, lorsque vient le temps de vraiment mettre un nom sur la playlist, ça va être simplement en anglais qu'on va pouvoir le faire. Ouais. Donc, si jamais vous êtes comme moi, vous n'êtes pas capable d'écouter nécessairement des chansons complètes avec paroles lorsque vous étudiez, bien, allez faire un tour sur 8tracks, c'est vraiment parfait pour ça parce que vous avez simplement à taper ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir de la musique d'ambiance sans paroles, mais qui bouge un peu plus, tu sais, c'est trouvable. Moi, j'ai marqué calme, studying, parce que je devais lire, je devais me concentrer. Donc, de ce côté-là, ça y va vraiment avec ce que vous voulez. Allez faire un tour, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir plein de playlists. Les as-tu finis, tes 8 chapitres? Je les ai finis. Ah, t'es lu au complet ou tu les résumés de fin de chapitre à la fin? Comme tu non, disais que j'ai lu au complet. Ah, good job. Ouais, ouais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les quatre premiers chapitres étaient les plus longs chapitres. Ah, bon, OK. J'aurais dû, ouais, c'est ça. T'es pas allé chez Cara, Céline? J'y ai été, j'ai réussi à y aller. Wow, t'as tout fait en même temps. J'ai tout fait en une soirée. Maintenant, reste à savoir si toute l'information est restée dans mon cerveau. Ça, c'est deux choses différentes. Très différentes. On va voir Bonne ça chance. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Le premier band dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Wayfarers. Qu'est-ce que Wayfarers? Ouais. Je vais vous avouer que j'ai Will eu... Will Ferrell. Non, malheureusement. Non. Je vais vous avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver qui ils étaient. Parce que si vous tapez Wayfarers en premier sur Facebook, pour exemple, trouver la page, mais vous allez trouver le band qui s'appelle The Wayfarers. Ah, oui. Et c'est pas le même band. Mm-hmm. Aucunement. C'est vraiment le band qui s'appelle Wayfarers qui a simplement 500 likes. Donc, peu connu présentement. Je vous avoue que ça tente à se faire connaître de plus en plus. Moi, je les ai découverts sur Spotify. Non. Et c'est très, très jeune, pop, électro, house. Il y a plusieurs styles vraiment mélangés. Ça fait combien de temps qu'on le dit que lorsqu'on se catégorise indie, on se catégorise pas grand-chose? Non, c'est vrai. Parce que ça regroupe vraiment beaucoup de styles. C'est quand, la plupart du temps quand on n'est pas connu. Donc, bien évidemment, eux aussi vont se catégoriser de indie de ce côté-là. Qui sont-ils? En fait, c'est simplement deux personnes. On parle de Cathy Cecile et Anthony Purpura. Et très, très, très difficile à trouver sur les médias sociaux. Vous allez pouvoir les retrouver sur la page YouTube sans problème. Vous allez voir qu'on commence. On commence simplement à poster des vidéos parce que peu connu, nouvellement sur la map, et je suis très contente d'en avoir fait la découverte. C'est super bon. J'ai le goût de vous faire écouter deux pièces. On va faire jouer une pièce qui est quand même assez vieille. Elle date à peu près d'il y a un an. C'est Just Her Style. Puis après ça, on va entendre Follow the Leader qui vient tout juste de sortir. Et vous allez pouvoir voir un petit peu la différence de style dans les deux chansons. Écoute ça, assemblage requis dans Tania is gonna entertain you. Feel alive. a young love with lightning bolts. With bright eyes, with diamonds, we're sitting on thrones. Gonna shock you like a thousand volts, like a bottle rocket in the sky explodes. I said, come on, steal the show, illuminate, we're good to go. La dernière chanson qu'on vient d'entendre, c'est Follow the Leader, et celle avant ça, c'était Juster Style. Deux chansons qui, je trouve, se ressemblent, mais ont deux styles quand même différents. Juster Style, c'est la plus vieille des deux pièces qu'on a entendues. C'est la chanson que je dirais qui sonne peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus pop. Ouais. Tandis que Follow the Leader, on y va vraiment avec le style du moment, là, un petit peu plus house, trending, électro, de ce côté-là. Mais c'est un band, comme je le disais, qui commence à faire parler d'eux, qui commence à être sur la map. Ils ont seulement deux chansons sur Spotify, mais sachez que vous pouvez les retrouver sur Spotify parce que c'est là que je les ai trouvés. Oui. Wayfarers. Oui. W-A-Y-F-A-R-E-R-S. Exactement. Et je vous rappelle de ne pas taper The non. Wayfarers sur Facebook si jamais vous cherchez la page, parce que vous allez trouver un autre band. Be careful. Et c'est différent comme style. le deuxième que je veux vous parler, je vais vous avouer que c'est comme un fantôme de la map Internet. Okay. Il y a plusieurs pièces de lui sur YouTube et sur SoundCloud. Par contre, très, très, très difficile à trouver, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Ben, c'est en un nom fait, générique un peu. Ouais. Ouais. Mais en fait, il n'a même pas de Facebook. Ah. Donc, sachez que vous ne pouvez pas aller liker la page Facebook ou vous tenir au courant sur ça. Vous devez d'avoir soit Twitter ou Instagram. Mm-hmm. Parce que de ce côté-là, vous n'allez pas trouver sinon. Qui est-il? Ça s'appelle Nash, mais ça s'écrit G-N-A-S-H. Okay. Donc, lui-même le dit, on ne prononce pas le G. Donc, c'est Nash, G-N-A-S-H. Et là, comme je le disais, il y a plusieurs chansons, pistes, pièces que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Il est de Los Angeles et vous allez retrouver le son vraiment de Los Angeles dans ça. Qu'est-ce que je voulais vous faire écouter? C'est une pièce en particulier que moi j'ai trouvée sur 8 Tracks durant la fin de semaine, durant une pause d'études, sachez-le. Justifie-toi. C'est ça. Durant une pause d'études, j'ai changé de liste de lecture et j'ai trouvé la pièce I Hate You, I Love You, qui est une pièce qui, je trouve, décrit quand même bien les relations d'aujourd'hui. Vous allez voir, on s'en parle tout de suite après. Voici Nash avec I Hate You, I Love You. D'Artagnan is gonna entertain you. Ça commence dans les âges. Feeling used, but I'm still missing you. And I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you and I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never slowly killing me? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. C'était Nash avec I Hate You, I Love You. Je voulais vous présenter cette pièce-là parce que, comme je le disais, je trouvais que ça représentait quand même bien les relations d'aujourd'hui qui sont pas mal non définies. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme trois histoires en même temps. It's complicated. Et ouais, voilà, c'est très compliqué. Mais vous pouvez aussi trouver toutes les autres pièces de Nash, soit sur SoundCloud ou encore sur YouTube. Il y en a une panoplie, mais comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas le trouver sur Facebook. Il est introuvable. Il n'a pas de compte Facebook. Et c'est Nash avec un G-N-A-S-H, là, comme... Oui. C'est quoi? C'est mordiller? C'est quoi le mot en français? Oui, je pense que oui. Et sur YouTube, si vous le cherchez sur YouTube, vous allez voir, c'est un petit bonhomme avec des lunettes. C'est comme ça que vous pouvez retrouver toutes ces pièces. Et moi, j'ai quand même trouvé ça bon. C'est slow. Ouais. Je le disais, j'étais en période d'études, mais j'étais dans une pause, donc je restais dans le mood slow quand même. Mais je trouvais que c'était une pièce qui me collait quand même bien à la peau. C'est grincer les dents en passant. Ah, grincer les dents, voilà. J'étais proche. Dernier band dont je vous parle. Air Traffic Controller. Mm-hmm. Est-ce que tu connais? Non, je ne sais pas. Non. Pourtant, ils font parler d'eux de plus en plus. C'est assez terrible, merci. Ils ont été votés meilleure performance festival dans la liste des 100 Billboard en 2015. Dans cette liste-là, en fait, on retrouve des gars comme Justin Bieber, The Weeknd, Maroon 5. Donc pas de référence. Non, non, mais c'est un band qui se dit eux-mêmes quand même assez indie, ouais. Quand même assez alternatif, électro. Et on les retrouve dans une liste de gens qu'on connaît beaucoup, mais eux, on les connaît pas tant que ça. Et ils sont en train de faire une panoplie de tournées. Ils ont fait une tournée sur un bateau de croisière. Wow! C'est-tu pas cool, ça? Ben, comme la chaque vie, ça. Soir, ils jouaient, ça, c'est quand même hot. Hein? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Air Traffic Controller? Je vous explique un petit peu. En fait, le gars qui a partie instiguer le band. Ah. J'aime ça, ce vocabulaire-là. Instiguer le band qui s'appelle Dave Monroe. C'est lui, en fait, qui chante et qui écrit la plupart des chansons. Eh bien, il était un contrôleur aérien dans les forces d'armée. Et il écrivait beaucoup de chansons lorsqu'il était à plus loin de la maison, donc en service, en fait. Et lorsqu'il est revenu, il a tout simplement décidé de partir son band avec Casey Sullivan, qui est la fille du band. Il y a seulement une fille dans le band. Et le band est composé de Dave Monroe, Casey Sullivan, Steve Scott et Jeremy Van Cleave. Comme je le disais, c'est un band quand même assez alternatif, électro-pop. Vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on les retrouve non plus dans la liste du Billboard. C'est que c'est très, très, très écoutable. Très accessible, c'est super bon. Oui, très accessible. Ils ont plusieurs pièces, eux aussi, qui commencent à faire le tour de Internet. Par contre, sachez que la pièce que je vais vous faire écouter, elle n'est pas nécessairement nouvelle. Il y en a des plus récentes que ça. D'ailleurs, si vous voulez en écouter une très bonne, il y en a une qui s'appelle The House, mais c'est pas celle-là que je vais vous faire écouter. Celle que je vous fais écouter, elle date d'il y a 3 ans. C'est peut-être la pièce qui m'a collé le plus à la peau parce que je l'ai écoutée en me préparant le matin. Et elle s'appelle... Ce matin? Ce matin. Okay. Et elle s'appelle Hurry, Hurry. Ah, ça l'a dit. Snooze, I could have used a bit more sleep. Put on my shoes, these ones are ruining my feet. Eat that apple to the core as I hurry, hurry out the door. And on my way to seize the day, I start to think, did I leave something on the counter by the sink? Check my pockets, never mind. Hurry, hurry, there's no time. I say let's work, but I'm the jerk who's late again. And they know well that I was up till 4 a.m. This should be easier, I guess. Hurry, hurry, what a mess. Significant stuff, all my friends and all the loose ends in this love of mine, cause I'm running out of time. Who am I? Am I still the same guy? Or have I lost something? As I keep stopping, mind and health, every bit of myself, I ignore the signs, cause I'm running out of time. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. A year goes by, you wonder why not much is done. You blew right past your precious time with everyone. You've run too much in parallel. What you put in and it ain't enough. If you're not focused on the most important stuff, then all that you got left to show is hurry, hurry on the go. Ooh, I'm gonna miss something if I keep bumping the most significant stuff. All my friends and all the loose ends and this love of mine, cause I'm running out of time. Who am I? Am I still the same guy? Or have I lost something? As I keep stopping, mind and health, every bit of myself, I ignore the signs as I'm running out of time. To die, I did my best, never relaxed. My heart attacked my little chest. I stopped to smell the roses. My body decomposes. Hey, I'm gonna miss something as I keep bumping the most significant stuff. All my friends and all the loose ends and this love of mine, cause I'm running out of time. Who am I? Am I still the same guy? Or have I lost something as I keep stopping? Mind and health, every bit of myself, I ignore the signs as I'm running out of time. Hey, I'm gonna miss something as I keep bumping the most significant. Hurry, hurry. superbe pièce pour se préparer le matin. Hurry, hurry. Dépêche. Ben oui, Dare Traffic Controller. Je le disais, c'est une pièce que j'ai écoutée ce matin en me préparant. C'est une très vieille pièce du band. Ça fait 3 ans qu'ils ont déjà écrit cette chanson-là. Le style a un petit peu changé. C'est peut-être rendu un petit peu plus indie, électro, vous allez voir. Allez faire un tour sur leur page YouTube. Il y a plusieurs pièces, mais c'est super bon à écouter. Ouais, c'est accrocheur au bout. Ben oui, c'est super accrocheur. Puis sérieusement, je pense pas que vous puissiez trouver une meilleure chanson pour vous préparer le matin, si vous êtes en retard surtout, parce que c'est comme parfait. Là. Ça t'arrive, toi? Non. Ce matin, j'étais pas en retard. J'étais aucunement en retard. T'es d'élève modèle. Oui, tout à fait. Mais non, j'ai trouvé ça super bon. Je me suis dit, il faut que je la présente. Bonne idée. Voilà. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. It's gonna entertain you. On fait ça tous les matins cette semaine à peu près. Peut-être qu'on va en sauter une fois de temps en temps, essayer de se répartir. Une grosse semaine chargée. Grosse semaine de cuillère en spectacle. Donc merci, Tania. Ça fait plaisir. Au tour de la pause, ce sera autre chose. Ouh. On va voir. On sait pas encore. Le plan est déterminé, mais à date, on n'est pas sûr que ça va avoir lieu comme ça. Sinon, ce sera d'autres choses. Bref, restez à l'écoute, c'est ça que ça veut dire. Pas besoin de savoir ce que t'as envie. Mais non. C'est tout le temps intéressant. Tout le temps. C'est ça. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 9 février 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Petit changement de plan. En tout cas, si tout va bien, si tout va comme prévu, on va se faire un petit bloc pub dans quelques instants. On va parler de marketing. Mais avant ça, c'est Etou Brousse qu'on s'en va entendre. Etou Brousse. Voici Hey Blue. Au 89 FM, c'est fou. Looking is in back to back with the downtown winds. The king is in his story. I know you will not be missing me. At night the street's the only place to be. Hey Blue, I really should be missing you. Something about this picture is not right. stuck here missing you. I'm tearing up my list for you. Something about this picture is not right. Et tout broussé avec Hey Blue à Assemblage Requis. Ça me fait rire ce nom de groupe-là, Et tout broussé. Ça n'a aucun sens, moi-même. Ça n'a aucun bon sens. Tantôt, on a annoncé quelque chose qui finalement... va arriver. C'est ça, va arriver. Donc, ouais. On va prendre une autre chanson. Je sais que ça fait beaucoup de chansons dans une même émission, mais plaignez-vous pas, d'habitude, on en joue deux par émission. Genre. Ouais. Fait que, voici Les Revenants, avec qui t'appelleront par ton nom, et après ça, c'est Jimmy Thibodeau, et c'est dans le monde que ça se passe. À Assemblage Requis. C'était Les Revenants avec une pièce d'album épouvantable qui s'appelle « Ils t'appelleront par ton nom ». Et justement, celui qui vient de braver la température, on va l'appeler par son nom, c'est Jimmy Thibodeau. Faut dire avec un petit peu plus de classe que ça, je pense. Faut dire Jimmy Thibodeau. Parce que sinon, il a l'air d'un tueur. Ah, mais c'est ça. Jimmy Thibodeau. Faut pas dire ça. Donc, Jimmy Thibodeau, bonjour à toi. Bienvenue pour ta chronique « C'est dans le monde que ça se passe ». Merci beaucoup. Et on parle toujours d'actualités qui passent sous le radar, donc des choses un petit peu moins connues. Tout à fait. Et là, cette fois-ci, je suis vraiment dans mon thème de ces allemands que ça se passe, dans le fond, parce que j'ai deux nouvelles purement internationales à vous partager. Mais oui. La première est super courte. Là, j'avais vu ça là, deux jours, puis je voulais vous le conter. Dans le fond, tu sais, on dit souvent que les nouvelles internationales, c'est... bon, c'est poche, c'est macabre. Même là, des mots dans la bouche. Ouais, c'est ça. Mais non, des fois, ça peut être cute, hein. Et je peux le prouver parce que dans le fond, il y a une nouvelle qui est passée récemment dans le Washington Post, puis ailleurs aussi. En fait, c'est une nouvelle où... vous connaissez la ville de Homs en Syrie? Ça va? Maintenant que je le dis, ben oui. Mais Homs, en fait, petite mise en contexte, là, c'est un bastion rebelle. Il a été bombardé à répétition. Donc, c'est vraiment un champ de ruines aujourd'hui. Là. On voit les édifices complètement vides, toutes les fenêtres arrachées. C'est vraiment... ça fait penser un peu à Gaza, finalement. OK. Okay. Ouais, donc, C'est pas cette ville-là qu'on a vue dans une vidéo, justement, où que tout est comme en ruine. Oui, ben c'est ça. Récemment, il y a eu un drone qui a passé au-dessus de la ville puis qui nous a montré à quel point c'était... c'était vraiment délabré. À quand l'émission de télé-réalité sur les vidéos de drones, là? Drone de vidéo? Ouais. Oh boy. Mais attention, il y a une super nouvelle qui est arrivée. C'est un photographe qui a partagé ça. Il y a un couple qui s'est marié dans les ruines de Homs. Ah, romantique, ouais. Ouais. Oui, je sais. Est-ce qu'ils sont syriens? Oui, ils sont syriens. Ouais. On n'en sait rien. Hein? Non. Attends, j'allais faire une joke de... Non, aucune joke sur les Syriens, Mathieu Blanc. Aucune joke. Comment s'appelle la ville? Homs. C'est comme dans la chanson des Homs. Les femmes et de la bière, nom de Dieu. Zachléon. OK, tu peux continuer. Excuse-moi. Enfin bref. C'est ça. Mais non, le gars est quand même habillé en habit militaire, fait que ça, c'est un peu bizarre. Mais à part de ça, ça fait des super belles photos. Hey, ça doit. Oui, vraiment, ça fait tout un contraste. Des fois, ils sont pris en photo dans les décombres. Ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Le gars, il disait « Je voulais qu'on se marie là parce que je voulais montrer que la vie était plus forte que la mort. » Ah, c'est bon. Oui, c'est super cute! Quasiment trop cute. Pour une nouvelle internationale, c'est pas pire, hein? Ouais, c'est super. C'est ça. Bravo. On peut pas demander mieux. Bon, enfin bref, ma grosse nouvelle ce matin, c'est vraiment à propos des murs. Des murs? Des murs. Le ben fruit, oui. Le fruit ouais. Ou non. Les murs de maison? Les murs de maison. Ah, OK. C'est super intéressant, ça, quand même, comme sujet. Non, peut-être pas tout à fait les murs de maison. Je parle des barrières, en fait. Par exemple, murs de Gaza, des trucs, des murs comme ça. Il y en a partout dans le monde, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. On pense souvent que c'est de l'histoire ancienne. On pense, par exemple, à la Grande Muraille de Chine qui devait empêcher les Mongols d'envahir la Chine. Ou encore, on pense au mur de Berlin qui divisait l'Allemagne en deux. Et que ça aussi, ça a tombé. Mais en fait, les murs, c'est quelque chose de tout à fait vivant et qui croit... Ben, quelque chose qui progresse même de nos jours et de beaucoup. En fait... Moi, quand je regarde, les murs, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce que j'ai comme l'impression que ces murs-là, ça exprime un peu toute la haine que les humains peuvent avoir entre eux. Hey, c'est vrai. Oui. Et puis, à chaque endroit, là, on peut tout à fait constater ça. Et je vais vous donner quelques sujets, quelques murs qui sont très actuels, qui font jaser aujourd'hui dans le monde, pour vous prouver un peu mon point. D'abord... un qui est très, très peu connu, c'est le mur de la honte à Lima, au Pérou. Moi, j'ai déjà été à Lima et j'ai vu que c'est vraiment... Les inégalités sont vraiment très visibles. Par exemple, on peut avoir des quartiers historiques avec des châteaux coloniaux, des arbres partout, des jardins, des musées d'art à chaque coin de rue. Puis de l'autre, tu peux avoir des quartiers avec des taudis partout, puis c'est désertique. Donc, c'est vraiment particulier à Lima. Et tellement que ça fait 3 ans que ce mur-là a été complété, mais c'est un mur de plusieurs kilomètres de long qui sépare un quartier très, très pauvre et un quartier très riche. OK, ouais. C'est vraiment un gros mur. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle le mur de la honte. Puis récemment, Oxfam vient de dénoncer ça publiquement. Donc, c'est un autre mur, un mur assez intéressant de ce côté-là. D'habitude, on mettrait un rail de chemin de fer entre deux parties de la ville. C'est vrai? Tu sais, de l'autre côté de la traque de chemin de fer, ça devient pauvre. Ouais, mais c'est parce que le gouvernement, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était pour des raisons de sécurité. De pour quel pas que côté, les pauvres en l'aise. Ben, c'est ça, parce que c'est sûrement pas le contraire qui va arriver. Mais c'est tout le temps, c'est souvent pour des raisons de sécurité. Puis là, on va s'en rendre compte au fil de mes exemples. On va voir que la sécurité, en fait, ça a le dos large. Vraiment. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, on a par exemple aussi le mur au Mexique. Vous savez, Donald Trump, il avait suggéré l'idée de construire un mur tout le long de la frontière du Mexique et le Mexique le paierait. Mais en fait, on n'est pas tant loin de la réalité à l'heure actuelle parce qu'il y a des parties de murs un peu partout sur la frontière. La frontière n'est pas complète, là, mais il y a quand même des murs partout un peu pour empêcher les immigrants mexicains d'arriver, de venir aux États-Unis. Et puis, ce qui est intéressant d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, les Mexicains aujourd'hui, cette année en fait, on a constaté qu'il y en avait plus qui voulaient revenir au Mexique que partir aux États-Unis. Oh, ouais. Je suis sûr que c'est à cause de Donald Trump. Sûrement. La situation économique, il rentre là-dedans. La politique aussi, les tensions avec les immigrants, c'est une chose aussi qui explique le phénomène. Mais en même temps aussi, fait intéressant à constater, le mur du Mexique, toute la frontière du Mexique en général est difficile à traverser pour aller aux États-Unis, mais aussi le sens inverse est extrêmement difficile. Oui. Ah. Tout aussi compliqué. Donc, c'est vraiment quand même un casse-tête pour les Mexicains. On avait suggéré peut-être une libre circulation en Amérique du Nord. Certains experts suggèrent cette avenue-là, mais bon, c'est un peu utopique. Donc, voilà pour la frontière du Mexique. Il y en a deux autres aussi très, très actuels comme mur. Et ceux-là sont un petit peu plus hardcore, si je peux me permettre. Premièrement, le mur de Gaza, qui est très connu. En fait, c'est selon moi, c'est un des pires murs de l'histoire. Là. C'est vraiment celui qui... ça fait vraiment pitié. Le Gaza, au bout du compte, c'est vraiment une prison à l'air libre. Ben, avec quelques bombes de temps à autre. Là, pour mettre de la vie un peu. Ben, c'est ça. Pour accélérer le processus de décrépitude de Gaza, là... c'est bon. En plus du mur puis de la prison de Gaza, il y a un blocus en plus. Donc, il y a un contrôle des aliments, des marchandises. Tellement qu'il y a, il y a entre 400 et 1100 tunnels souterrains qui sont creusés. Wow. Dans la frontière entre Gaza puis l'Égypte ou encore entre Gaza et le reste d'Israël. Le blocus, vraiment, il y a des affaires vraiment absurdes qui sont illégales. Par exemple, le chocolat. Ça, on fait ça passer dans les tunnels. On fait aussi passer les matériaux de construction. Ça aussi, c'est illégal à Gaza. Et pourtant, Gaza était vraiment, comme j'ai dit tantôt, un champ de ruines. Et dans le fond, l'ONU a dit que c'était pour devenir inhabitable dans 5 ans. Oh my Gaza. God! Quand même! Techniquement inhabitable. S'il n'y a pas de chocolat, c'est sûr que ça va être inhabitable. Ouais, c'est ça. Et pas de matériaux de construction non plus. Non. On ne peut pas en avoir. Mais d'ailleurs, aussi, il y a certains qui disent que c'est pour des raisons de sécurité, les tunnels. Mais en même temps, il faut se rendre compte que le gouvernement de Gaza, le Hamas, a interdit l'importation de drogue, d'alcool, d'armes et de personnes dans les tunnels aussi. Donc, c'est pas tant pour des mesures de sécurité. Et pourtant, tu as l'Égypte, par exemple, qui a inondé des dizaines et des dizaines de tunnels récemment, là, je pense qu'il y a quelques jours, encore une fois. Donc, vraiment, on tape sur le clou des Gazaouis à répétition. Et avec ce mur-là, c'est vraiment une honte. Tu t'es renseigné sur les Gazaouis? Ouais, c'est ça, pour exactement. Dire, c'est correctement, ils n'ont pas les Gazaouis, mettons, comme l'ancienne rectrice, mettons. C'est ça. Faut faire attention. Ou les Gazaïens. Faut faire attention, oui. Effectivement. Et dernier mur actuel. Là, après, je passe aux murs qui sont en train de se faire construire. Le mur de Bangladesh. Ça, c'est le plus long mur du monde. Et puis... c'est les Indiens qui ont... il faut comprendre que le Bangladesh, c'est comme un pays qui est enclavé dans l'Inde. Là. Mm-hmm. Et puis... c'est pas une sorte de pâtisserie chez Tim Hortons et Bangladesh. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas aussi délicieux dans le trou de... Ouais. Et puis, Bangladesh, c'est un pays à majorité musulmane. Et en Inde, il y a une minorité musulmane aussi. Et les Indiens ont un très, très gros problème de racisme envers la minorité musulmane à l'heure actuelle. Et puis, ils n'aiment pas non plus les gens du Bangladesh. Ils n'aiment pas aussi l'immigration. Même pourtant, c'est un peu comme le Mexique et les États-Unis. Le Bangladesh fournit beaucoup de main-d'œuvre aux Indiens. Donc là, l'Inde a construit un mur récemment. Il vient d'être fini l'année passée ou l'autre d'avant. Ils sont en train de faire le contour avec le petit truc avec ton doigt que tu mouilles, pour l'empêcher que l'eau pénètre dedans. Là. Mais en fait, le quel mur. Feutre? Oui. Le mur, ce qui arrive, c'est que bon, il y a des barbelés et tout, mais aussi des soldats le long de chaque côté du mur. Ce qui fait que quand une personne du Bangladesh essaie de passer le mur, il se fait tirer à vue. Oh boy. C'est arrivé souvent. En fait, parce que les conditions de vie au Bangladesh sont tellement misérables que c'est sûr qu'on cherche une vie meilleure en Inde. Là. Aussi ironique que cela puisse paraître, là. L'Inde, c'est quand même une place qu'on ne considère pas comme développée chez nous. Enfin bref. Donc voilà, c'est ça pour le mur du Bangladesh. Ça aussi, c'est vraiment horrible. Et puis, non seulement tout ça, c'est horrible, mais en plus, les murs commencent à être à la mode ces jours-ci parce que j'ai dénombré 1, 2, 3, 4, 5, 6 murs qui sont actuellement en construction dans le monde. Et des gros murs à part de ça. Pour vrai? Oui. Et puis, on a par exemple la Tunisie qui veut construire un mur le long de sa frontière avec la Libye. En fait, vous vous souvenez peut-être de l'incident terroriste en Tunisie, là, dans un hôtel, il me semble, ou sur la plage, dans ce coin-là. Et puis, ça avait vraiment frappé dur sur le tourisme de Tunisie. Et puis, ce que le gouvernement avait décidé de faire, c'est de construire un mur. Parce que les terroristes, je pense, ils venaient de la... Non, je me prononcerai pas là-dessus. Mais ils voulaient quand même faire un mur autour de la Libye pour prévenir le terrorisme. Wow. Comme si c'était pour être la solution magique, hein? Ouais, c'est ça. Évidemment. Alors... Ils n'ont pas pensé à un dôme qui englobe toute Non, peut-être. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est curieux. Mais sinon, en Europe de l'Est aussi, il y a beaucoup de murs. En Ukraine, par exemple, on parle beaucoup du conflit. Ben, on n'en parle plus beaucoup à cette heure, là, mais on en parlait. Du conflit entre l'Ukraine et la Syrie. Dans l'Est de l'Ukraine, ça brasse encore un peu, même si le conflit tend à se geler. Mais il y a un mur qui est en construction sur la frontière ukrainienne. Encore là, une fois, quelle solution magique. Ben oui. Oui. Donc, c'est l'Ukraine, mais aussi l'Estonie, qui est un autre pays de l'Europe de l'Est, qui lui aussi veut faire une frontière avec la Russie pour prévenir les invasions, je sais pas trop quoi. Donc, encore une fois, un peu absurde. On a aussi la Turquie et la Syrie. La Turquie qui veut faire un mur pour prévenir l'immigration qui vient de Syrie. Parce que oui, la Turquie, c'est un endroit où les migrants, en fait, passent beaucoup. Et là, ils veulent prévenir ça. Donc, pour régler le problème de l'immigration, on construit des murs, hein. C'est une très bonne idée. Puis l'Hongrie veut faire la même chose, d'ailleurs. L'Hongrie qui veut faire un mur avec la Turquie. Donc là, t'as comme la Hongrie. Ouais. Là, un mur avec la Turquie. Puis la Turquie fait un mur avec la Syrie. Fait que là... Finalement, tout le monde va être isolé de tout le monde. C'est ce ça. Ouais, mais c'est comme deux murs contre les migrants en plus. Donc, ouais, je me demande ce que ça va donner. Et puis finalement, on a aussi le Kenya et la Somalie qui, eux aussi, font un mur pour les tensions qui se passent là-bas. Donc voilà, vous voyez un peu le topo. Non seulement on a des cas super problématiques à l'heure actuelle, mais on a d'autres murs qui se font et je pense que les gens doivent être sensibilisés à cet enjeu-là. Puis, comme je vous ai dit en introduction, j'ai l'impression que c'est vraiment une symbolique très très forte, ces murs-là. Mm-hmm. Ça montre la division, la haine, des fois, la ségrégation dans l'humanité. Puis je pense que c'est moins il y a de murs, mieux c'est. Donc voilà. Hey, à l'ère où on dit que l'échange international est à son plus haut, on crée des murs partout. Ça montre un manque de maturité. Ils sont pas, assez mûrs. Manque de civisme. J'essayais de la placer. Ou sinon, j'allais dire que Jimmy est tellement, renseigné sur les murs qu'il est en train d'étudier pour devenir jeune cadre, comme un cadre de porte. C'est bon? Ouais, les blagues d'aujourd'hui. Hein. Jimmy Thibodeau, merci beaucoup. Ta collègue sur les murs aujourd'hui. On a toujours un sujet toujours varié. On sait jamais à quoi s'attendre. c'est toujours une surprise. Puis c'est le fun de même. J'aime ça. Ben, ça fait plaisir. C'est très cool. Jimmy Thibodeau, c'est dans le monde que ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours les mardis à 8h. Yes, au revoir. Alors, quelques instants, la chronique de Gabriel Béhoud, lui qui pénètre comme toujours dans les coulisses à la huître. Oui, il pénètre. Il fait de la réinsertion sociale, comme on l'a appris au match d'hier. Il y avait tellement de blagues de sexe dans le match d'hier, ça n'avait aucun sens. Mais voyons. Bref, on en parle au retour à Assemblage Rookie. Restez là. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fous? 80. Assemblage Rookie est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rookie, en ce mardi 9 février 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plan. On accueille Gabriel Béhoud et il nous amène une suggestion, je trouve, vraiment intelligente. Là. Non, c'est vraiment pas intelligent, regarde pas ça, c'est traumatisant. Ce qui manque à la radio, c'est clairement d'écouter des vidéos virales. T'sais. Oui, exact. Écouter celui du chien puis du poulet, là. Écoutez ça, écoutez la vidéo, c'est viral, la vidéo, l'audio de ça. C'est malade. Coeurant. Vous entendez? Mais moi, je veux juste savoir, Gabriel, comment est-ce que t'es arrivé à trouver ça? Il était sur YouTube. Parce qu'on explique, en fait... que vous entendez présentement. Non. Les gens doivent se faire leur propre image. C'est une poule. On peut juste dire que c'est une poule. Et un chien. Le chien viole la dans poule. Dans la poule. Ouais. Mais écoutez ça, ça fait de la bonne radio. Doggy style with nice chicks. C'est ça que t'as Je suis tombé là-dessus. Ça manque de sauce à la moutarde. Ouais. Ah non, je vous jure, c'est traumatisant comme vidéo. Allez pas regarder ça. Non, ben écoutez-le par contre. Oui. Ben, radio. Écoutez, faites-vous votre propre idée sonore de tout ça. Exactement. Mais moi, je tiens vraiment à ce que Gabriel nous explique comment il est tombé sur Dog, parce que je veux juste vous dire que le titre exact du vidéo, ouais, c'est « Horny Dog Rape a Chicken ». Vas-y. Je vais faire une courte histoire. J'ai vu ça en Tog Life. Ça m'a bien fait rire. Moi, c'est le genre de truc qui me font encore rire, ça, des Tog Life, malgré le fait que ça fait comme un an et demi que c'est putain malade. Ils ont mis une petite cigarette, des lunettes de plastique, puis une chaîne en or à la fin avec la toune California. Ça m'a bien fait rire, en fait. C'est un chien qui a aucun bon sens. Là. Le meilleur Tog Life, là, c'est celui avec le chat là, qui touche un verre là, sur le table, puis à un moment donné, il fait comme... Plein de sacateurs. Ah, oh, ouais, c'est pas pire. Ah, vidéo virale à la radio, ça oui, manque. Oui, il y a le monsieur aussi là, qui était pour la journée du souvenir. Mmh. Je sais pas si vous avez déjà vu celle-là. Mmh. C'était un vétéran canadien. Mmh. Il dit moi, je fais 5 pieds 2, il y avait 6 pieds d'eau, je n'avais pas mal à avaler. En tout cas, il raconte que, genre, au débarquement de Normandie, il est sorti, son gun était tout mouillé, fait qu'il était vraiment dans la dèche. Puis là, il dit je suis arrivé, j'ai trouvé un lance-lame à terre, je lui ai donné un petit coup de pied, voir s'il en avait encore. Il y avait encore du gaz. Fait que je l'ai pris, je les ai toutes toastées. <C'est... Wow. rire> Le monsieur, il raconte ses exploits de guerre comme ça, avec « je les ai toutes toastées ». Fait qu'ils ont fait un... Est-ce que c'est plus drôle ou moins drôle que de l'impro, ça? On va voir. Voici dans les coulisses de la huître. De la luitte! Hey, ben oui! Mais ça! Hey, ça se peut-tu, ça? C'est sa coulisse. Ça, yeah. Ben, moi, j'appelle ça les coulasses, parce qu'une luitte, c'est comme gluant un peu. Ouais, moi, je suis pas un amateur, mais oui. Ça peut être pas certain, non. De ce qui coulasse? Non, des huîtres. Ben, ça, c'est de la sriracha, de la sauce piquante. Ça, c'est excellent, par contre. Avec du poulet, puis un petit peu de... Ouh! Une vidéo virale là-dessus. Ben, tu sais, le slogan, c'est hausse la luitre à la luitre. Hein? Hashtag hausse la luitre. Oui. Donc, tu pourrais faire quelque chose d'assez kinky avec une luitre. Mm-hmm. Faire la promotion pour l'automne prochain. Oui. Voilà. Hein? Donc, Gabriel Béhoud qui est avec nous. Salut. Pour parler d'improvisation, il y avait un match hier entre les Bleus et les Rouges. Ah oui. Quel match d'ailleurs. C'est ton équipe, ça, les Rouges. Ah oui, ah oui. Dans le fond, dans les Bleus, il y a Vincent Reville, Vanessa Forcier, Frédéric Bernard et puis Marc-André Flamand-Marion. Absolument. Et dans les Rouges, il y a Alexandre Chessire, ouais. Alex Marchand, ouais. Nicolas Marino ouais. en remplacement de Jean-François Chabdanin et puis moi-même étant le capitaine. El Capitan! Yes, sir. El Capitan. Mais on avait aussi un reporter sur le terrain hier soir. À qui le dis-tu? À toi et à Tania. Ben oui. Hein? Ben oui, c'est vrai. Surtout à moi. Ben, c'est ça. Donc voici lundi soir, le matin. Salut. Allez, allez, allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Gabriel. Je suis à l'extérieur de la chasse-galerie pour le match qui oppose les bleus aux rouges de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Faites place au face-à-face et bon match. Face-à-face. Je suis avec Alexandre Chessire, Alexa, comment envisages-tu le dernier bout droit de la saison droite? Ben, je l'envisage avec beaucoup d'amour, de dynamisme, de fleurs, de licornes et de sparkle, comme toujours de ma manière que je vois de la vie. C'est Alexandrine, j'aimerais ça que tu finisses toutes tes syllabes. C'est un petit peu gênant pour un animateur radio de parler ainsi. OK, Alexandrine. Si tu avais trois qualités à nommer, une pour chacun de tes coéquipiers, coéquipières, et puis ça, là, qu'est-ce que tu dirais, Jean? Oh mon Dieu, mes garçons, je les aime tellement. Je pense que pour Nicolas Marino, je dirais tendresse, parce que c'est comme un gros ours tout affectueux, tout gentil. Pour Jean-François Chapdelaine, je dirais énergie, parce que quand il arrive sur la patinoire, il a toujours plein d'énergie, plein d'idées, puis il assume tout ce qu'il fait. Pour Alexandre Marchand, je pense que je dirais créativité, parce qu'à chaque fois qu'il arrive sur le stage, toujours une idée une derrière l'autre, puis ça continue. Et pour mon cher capitaine Gabriel Béhout, je dirais moustache. Ah, pas mal têteux. OK, ben... bon match, Alexandrine. Mais bon match, puis merci Trois-Rivières pour cette entrevue magnifique. Face à face. Je suis avec Frédéric. Fred, comment tu dirais que ça va? Relativement bien, mais tout est relatif. Fait que je reste dans relatif. Certains diraient que vous avez un début de saison incroyable. D'autres diraient peut-être plus malade. Toi, Fred, qu'est-ce que tu dirais, toi? Je dirais qu'on est incroyable. Un peu un mix des deux. Et puis, pour le dernier bout de la saison régulière morte, comment tu penses amener ça, voir? Bon, on essaye d'aller vers plus d'un coin. Fait que se concentrer vraiment dans ce coup, tout ce qui est coin. Fait que cacher tous nos joueurs-là et rester là pour le reste de la saison. J'aimerais que des gens viennent nous voir durant les prochains jours pour nous donner à manger, à boire, pendant qu'on reste dans un coin. Ah ben, faut travailler fort et y rester. Fred, merci, bye. Salut, gars. J'aime ton enthousiasme. Ça me donne de la chaleur. C'est relatif. Je suis avec Alex Marchand à l'extérieur, dehors. Alex, étoile de l'arbitre. Faisons ça vite. Comment? À l'image du froid qui me fait monter les épaules, j'ai un peu le même feeling présentement. Quand je pense à l'étoile de l'arbitre, ça me met droit de ses épines. Alex, c'est la deuxième ou troisième fois que... Comment? Je te dirais que pendant l'impro, j'ai montré mon chest et plusieurs personnes m'ont affirmé que Maxime Tanguay aime beaucoup mon chest. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il m'a décerné son étoile. Donc, il a été positivement impressionné par mon travail abdominal. Monsieur Marchand, qui n'aime pas le chest? Alex, qu'est-ce que tu souhaites pour les Rouges pour la fin de la saison? Ben, je leur souhaite évidemment un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Et ben bonne fin. Bonne fin toi aussi, Jean. Je sais pas ce qui m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Je me suis douté des idées, je suis pas devenu celui que j'étais. Pokémon! Gabriel Béhoud! Salut! En direct du terrain hier soir, mais maintenant en studio avec nous. Oui. Nu pour le match d'hier qui avait lieu entre les Bleus et les Rouges. Oui. Parlons du match d'hier qui avait. Allons-y. De péripéties. Il y a des chess, là, Alexandre Marchand, on en parlait un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Tu sais ce qui s'est passé avec les chess, là? Le chess, en fait. Ben, on a eu droit à une improvisation dans une prison, dis-je. Oui. Où on faisait de la réinsertion sociale, puis Alex Marchand est débarqué pour nous apprendre que grâce au programme de réinsertion sociale, il était maintenant rendu modèle nu. Oui. Donc, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir toute la patente. Mais... Moi, j'appelle ça un détenu. Hein? Ouais. Oh, ouais. Un détenu. Oui, exactement. Mais finalement, c'était juste un ex-détenu parce qu'on n'a rien vu. Non. D'ailleurs, on a eu droit à une pénalité là, de non-respect de la carte thème parce que c'était couché de soleil, mais j'ai argumenté en disant qu'on allait bientôt voir une lune. Une lune parce que quelqu'un a failli montrer ses fesses. Exactement. Et ça, c'était donc, aussi Alexandre Marchand qui a commencé à montrer ses pantalons. J'ai apprécié l'impro où on s'est mis à chanter, en fait. Il n'y avait pas d'impro chanté. Incroyable. Un peu comme il y a deux semaines, on n'avait pas de conférence de presse de prévu. Une impro conférence de presse. Donc les joueurs, quand il y a eu un thème libre, ils ont choisi de faire une conférence de presse. Oui. Les joueurs hier voulaient nous chanter. Ça la sont imposés eux-mêmes. J'ai absolument rien compris parce que, en fait, c'était un huis clos. Donc les deux joueurs devaient jouer dans un espace très, très, très, très restreint. Donc, un mètre de diamètre. Oui, exact. Un cercle. Exact. Mètre. Et puis, c'est ça, lorsque les joueurs ont décidé qui embarquait, donc c'était Alexandrine Pichessir et Vincent Rainville, Vincent a dit à Alexandrine, hey, on l'a fait-tu chanter? Alors que c'est, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une contrainte qui est incroyable et insoutenable. Absolument, absolument. Eux, ils ont fait comme, OK, go. Alexandrine Pichessir est une artiste du chant, de toute c'était façon. C'était malade. Et Vincent Rainville imite parfaitement Éric Lapointe. Oui, oui, c'était bon. même les paroles ressemblaient un peu à du Lapointe. Ben, là. C'est ça avec une chantée, c'est que y en a qui sont forts sur les paroles, il y en a qui sont forts sur le chant. Alexandrine est particulièrement forte sur le chant, même si c'est très bonne pour, écrire dans sa tête. Alors que Vincent est particulièrement fort sur l'écriture de texte dans sa tête. Et puis peut-être un peu moins sur le chant, comme M. Lapointe, d'ailleurs. C'est comme M. Lapointe. Mais quoi que Lapointe, dans ce début de carrière, en plus d'être beau gosse, il chantait quand même pas pire. C'était beau gosse, Tania. Ben oui, les Madame Tripesse, lui, c'était un bum. Écoute, un vrai de vrai. Ça, c'est avant qu'il se fasse pogner avec de la poudre en revenant de Cuba, genre. Wow. Méchant bum. Ce qui m'a marqué hier aussi, c'est l'interprétation que les gens ont eue du mot « hermano ». Oui, frère. Il y a des improvisations où il n'y a pas de frère. Non. Finalement, c'est des couples et des personnes de sexe opposé. Ah, mais ça, peut-être quand, on ne sait pas, des fois, les familles dysfonctionnelles, ça existe. Exactement. Oui, oui, oui. Il y a eu un décrochage du joueur Frédéric Bernard. Ah oui, mais ça, Fred, il en sort comme 3-4 dans l'année des décrochages. Hier, on pas a capable droit, de s'en tenir. Non. D'ailleurs, dans les Bleus, il y a Fred puis Vanessa là, qui sont pas pires là-dessus. Mais Vanessa, elle fait souvent des décrochages, mais elle se le fait rarement reprocher. Moi, je sais, On dirait que les gens s'attendent à ça, fait qu'il la pénalise pas. Non, exact. Bizarre, ça, quand même. Mais Fred Bernard, ça m'a surpris quand même. Sinon, ça finit que le match a été remporté par... Les Bleus. Les Bleus, au pointage de 9 à 6. Oui, exact. Après recalcul de l'itinéraire en soirée. On avait annoncé autre chose, mais là, c'est 9 à 6. Oui. Ça change rien au résultat. Pas mal de pénalités. Ouais. Hier, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le match d'hier? Il a fini tard. Ouais. Il a fini de bonne heure, mais on est resté tard, non? Oui, exact. Monde, est resté tard. Ouais, c'est fun, les gens ont un esprit, esprit d'équipe. Exact. Construit avec la saison. Il y a plusieurs personnes qui sont restées, là. Jusqu'à la fin. Oui. Fermez le bord. Fermez le bord? Ouais. Vous avez fermé le bord, messieurs. C'est certain, ouais, ça, mon Dieu. Moi, je suis parti tôt, là. Ah, ouais, mais là. Moi, je me lève de bonne heure pour la radio. Ben, c'est ça. Et moi donc? Il t'avait regardé des vidéos de chiens qui violent des poules. Qui violent des poules. Et autres. C'est ça. Et autres? Mm-hmm. Ah. Quels sont les autres? Ouais. Ah, ben là... Laisse faire, ça ne tente pas de savoir finalement. À la place, on va parler de ce qui s'en vient plus tard. Hey, vas-y donc. La prochaine semaine. On est au mois de février, donc le 8, c'était hier. Le 15, la semaine prochaine, c'est une semaine spéciale dans la luit et dans la lime. Ben oui. N'est-ce pas? Oui, parce que la semaine prochaine, en fait, c'est comme... avant, on appelait ça la Coupe Trois-Rivières, parce qu'il y avait une troisième ligue qui était greffée à ça, dont le nom m'échappe. Une ligue de vétérans. C'est ça, c'était... Oui, c'était... Léo. Des les vieux, LVTR. Là. C'est ça. Les vieux de Trois-Rivières. Les vétérans. Oui, exact. ces vieux-là sont probablement tous morts, je sais pas quoi, parce que là, ils sont plus dans cette compétition-là, exact. Mais en fait, c'est que la semaine prochaine, ça va être très particulier. Il y a deux ligues d'impôts comme majeures, si on veut, à Trois-Rivières. L'important. Il y a la LUIT, donc la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, qui se produit tous les lundis soirs à la Chasserie. Et puis, il y a la LIM, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne, qui se produit à la salle Louffel-Poisson tous les mardis à 8h et au coût de 5$. Ben là, ces deux ligues-là vont s'affronter dans un match aller-retour. Oui. C'est donc dire que la LIM va être ici lundi soir prochain avec une équipe... ma foi, à pas piquer des verres. Là. On a déjà un avant-goût. Hein, et l'alignement va être incroyable, moi, je peux vous dire. Là, les arbitres de la Luitre vont jouer pour la Lime. Ouais, mais eux sont poches, c'est les autres joueurs qui sont popés. Et puis, ben la Luitre, on a une équipe aussi qui est un peu pêle-mêle, donc c'est pas exemple une équipe régulière. Là. On a formé une équipe à l'aide de duo. Ouais. Et puis, ben c'est ça, lundi, c'est le duo d'Alex Marchand et de Frédéric Bernard. Ils ont concocté une petite équipe... qui devrait être pas pire. Ouais. Et puis, ben mardi, la Luitre se présente à la Lime, donc à la salle Philippe Poisson, pour affronter la Lime. Donc, ça devrait être pas pire. Là. C'est un match aller-retour. J'ai hâte de voir. D'après moi, il y a toujours pas mal d'étincelles dans ce genre de match-là. Ça se pogne-tu? Ça drop-tu les gants? Ouais, ben l'an passé, il y a deux meurtres. donc, ça doit c'est être gros. Pas pire. C'est ça. J'ai hâte de voir les catégories. D'ailleurs, le match à la Luitre sera arbitré... par Antoine Lacasse, donc j'ai hâte de voir. Parce qu'il n'y a plus Maxime Tanguay et Elodie vont jouer, donc il fallait bien. Ils vont perdre, tu veux dire, vont mais perdre, c'est, ouais. C'est correct. Tu sais, c'est ça. On peut les laisser de l'espoir. Bref, c'est lundi prochain à la Chasse-Galerie et mardi prochain à la Maison de la Culture. Exactement. Voilà. Ensuite de ça, on va aller à un match normal à la fin de février avec le 22 février contre Orange. Oui, vers Orange. Puis après ça, bon, on va rester régulier jusqu'à la fin mars. Voilà. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Hey, ça avance vite, ta barnouche. Oui, ça va super vite. La session est déjà au tiers fait, au quart fait. C'est fou pareil, hein. Au deux tiers fait. Hey, les mathématiques, deux tiers fait. La session est deux tiers fait en ce moment. Non, mais je parle de la saison. Parce que l'année scolaire. Ah, c'est ça. Tu comprends? Oui, là, je comprends. C'est comme, je pensais que c'était une recette de Jello. Je me demandais à toi. Oui, parce que la session est peut-être au tiers fait, mais loin d'être commencée pour plusieurs personnes. C'est ça. Parce que moi, en tout cas, si je calcule tous mes travaux et puis mon avancement dans ces derniers... Je crois qu'on est encore en janvier. Oh boy. Ouais. Pour continuer avec l'analogie du Jello, la session est présentement dans le frigidaire. Ouais. Hein? Et là, à un moment donné, on va revenir et on va être tout jiggly. Ouais. Jiggly. Get jiggy with it, comme disait Will Smith. Get jiggy with c'est it. C'est quoi votre chanson préférée de Will Smith, non? Mon Dieu, il... Hey. Fresh Men in Black, non? Ah, non, Prince, c'est bon. Ouais, l'intro de Fresh Prince of Bel Air. Now the Prince of... Ah, ouais. Ah, bah, t'as bien. Je vais dire comme Gab. Okay. Ouais, c'est pas pire. Mais moi, je suis clairement Men in Black. Ouais, c'est mais quoi, c'est pas pire, ouais. Hein? Wow, West. Ah, c'était Will Smith, ouais, ça, ben oui. Eh oui, avec Tommy Lee Jones. Ça. Parce que là, j'aurais pu vous demander votre acteur noir préféré, mais ça... Mon acteur noir préféré? Oui. Ooh. Sam Jackson, clairement. Ben, je l'aime bien, en effet. Ouais. Mais sinon, je dirais peut-être Sidney Poitier. Sidney Poitier? Oh, là, c'est va rétro old school. Ah oui, ah oui. J'avoue. Sinon, le gars qui joue dans Black Mamba. Comment il s'appelle, lui? Dans Black Mamba. Black Mamba? Mamba, ok. Denzel Washington à fond, là. Denzel est pas pire dans un jour de formation, là. C'est ça, ouais. Là. Ça, c'est malade, ça fait mieux. Allez, tire un coup. Il fume un peu, il pense qu'il vient de fumer du cannabis parce qu'il est dans l'escouade anti-drogue. C'était du crack. Parce que c'est vraiment comique, ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec notre liste, là, on vient de faire les deux tiers des acteurs noirs d'Hollywood. Ouais, je sais. Mon acteur noir préféré, okay. C'est Wesley Snipes. Aïe, aïe, ça, c'est alternatif. Machine ouais. Des films d'action. Tellement. D'ailleurs, là, y a-tu encore des films d'action aussi bons que cette époque-là qui se font aucun? Bonne question. En ce moment, là, non, c'est tout le temps des... Non. Non. Trop, faut que ce soit plus grand public que c'est ça. Le transporteur. Oh yes. T'es sorti une photo de Wesley Snipes. Je suis rendu sur la page Facebook de Wesley Snipes. Aïe, like it. Like it. I like it like that. Like it, like it. Qui d'autre, mettons, d'autres acteurs dans des catégories autres, mettons, là, ton votre acteur Bollywood préféré. Ah ouais, Bollywood. Mon acteur Bollywood préféré. Le gars qui jouait dans Million Dollar. C'est le seul que tu connais. Ah, Sri Rachou qui s'appelait. Sri Rachou. Slumdog Millionaire, là, il jouait là-dedans. Ah, tu dis Slumdog? Snoop Dogg Millionaire, le remix. T'essaieras de parler en t'étirant. Snoop Dogg Millionaire, j'aime ça. Tu t'étires? Pourquoi oui, tu t'étires? Ben, je me suis étirée, là. Pour être sûr de pas te... Qu'est-ce que tu fais encore sur la page de Wesley Snipes, ça t'étirer? Non, hein, c'est la passant. Page de Denzel Washington en passant. Hop là! Hey, si ça peut faire un ultra-like, hein, un méga-like. Hey, votre acteur de ça, j'ai jamais tant compris cette catégorie de films-là. Les comédies romantiques, là. Oh. C'est-tu pas mal tout le temps le même scénario ou quoi? Mais hein, mais le oui. Petit livre noir, carnet, ils vont pas le refaire, ils vont pas refaire. Oh. Genre, j'ai pas entendu qu'ils allaient refaire le Notebook. Le Notebook 3. Mais non. J'ai pas vu ça à un moment donné. C'est Notebook drôle. 3, La déchéance. La déchéance. En fait, tous les films et les livres de Nicholas Sparks se ressemblent beaucoup. Hey, ça me fait penser à l'histoire de livre. Vas-y. Histoire de livre. Histoire sans fin. Marie-Jo, Judith. C'était ça les, ça, les noms, en tout cas, vas-y. À la bibliothèque de l'UQTR, en ce moment, right now, il y a une affaire pour la Saint-Valentin. Ah oui, c'est vrai, tu peux aller chercher un livre. C'est un livre emballé, OK, dans du papier genre craft, OK, et dessus, t'as un mot genre, mettons, mystère, et tu sais pas, tu l'achètes, tu te le procures, dans le fond, j'imagine que tu le loues. Non, c'est ouais, c'est tu l'empruntes. Tu l'empruntes, et tu le déballes une fois rendu chez vous, puis là, ben, ça pourrait être genre Twilight, je sais pas quoi, ça. C'est pas. Tu sais, genre, ça pourrait être écrit sur l'emballage chaleureuse. Oui. Mais tu sais pas c'est quoi dedans. C'est le fun, hein? Puis là, c'est genre 50 nuances de gris. Mais tu peux pas le donner en cadeau, contrairement à les 50 nuances de gris, parce que là, tu l'as loué. C'est comme, tiens, chérie, je t'offre un livre, il faut que tu le ramènes avant 5 heures. Mais ramène-moi, c'est ça. C'est le cadeau cheap de Saint-Valentin. C'est ça. Je t'ai loué deux films sur Vidéotron avec un livre à la bibliothèque, une demi-palette de chocolat. De nos jours, ça va être genre, je t'ai passé une location sur Illico sur demande, t'as 24 heures exactement pour la regarder, c'est... Mais tu peux pas avancer. Tu me diras comment t'as trouvé ça. Même encore, Illico sur demande, Mathieu, je trouve que ça fait pas mal 2009. Là, ah, excuse-moi donc. Netflix. Mais on se rappelle que la semaine passée, j'ai sorti Cogeco sur demande oui. And Chill. Oui. On s'en rappelle, c'était un succès, tout le monde m'en parle depuis. Ça. Pour la Saint-Valentin, c'est offrez-vous ça. Un Illico. Illico and Chill. Enchilada. Hey, ça me fait penser à la bière Enchilada. C'est ça? Hein? C'est pas du manger, ça? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était du manger. C'est pas une sorte de fromage. Si je pense, c'est de la, une bière genre diète, genre fade, mélangée avec du jus de tomate, ça s'appelle enchilada. Ça, c'est de quoi là, que j'ai jamais tant compris? Là, la bière avec le jus de tomate? C'est excellent. C'est bon, je parle à un native de Sorel-Tracy, c'est une des places où c'est. Avec César. Un boc tomate, là, c'est. Moi, je trouve ça. Comment un boc tomate? Ouais, ben c'est un boc de bière avec. Du jus de tomate ou du clamato, là, ça dépend des places. Le boc traiteur a failli s'appeler de même. Le boc tomate, on s'arrêtait pas pire. Mais oui, la bière, tu sais qu'il annonce ça, là, seulement 67 calories. Canadian 67. Ouais. C'est ça, mais il y a d'autres compagnies qui font des bières comme diète, là. Ça, c'est quoi le trip? C'est quoi le trip, exactement? Tu sais, il y a un moment donné, débat, tu bois une bière. Ouais, puis mets ça 69 calories, pour faire drôle. Mais. Non, mais oui, c'est. Oui, moi je suis d'accord. Moi, ça le dit. 69 est un chiffre qui est trop peu utilisé. La même affaire que 13. Parce que 13. Trop peu utilisé, OK. Mais trop peu. Moi, je trouve qu'il est trop utilisé. C'est rare qu'on entend cet argument-là. C'est pour ça que tu sais. Aïe. Et son adresse. Je ne passerai aucun commentaire là-dessus. Si on appelait ça Pizzeria 69, ça serait-tu malade mental, Link, un peu? Un petit peu de salami, je oui. Voulez-vous un extra pepperoni? Pepperoni! Ouais. ouais, ben, en effet. Hein. Je sais pas si c'est possible de juste se faire livrer un extra pepperoni. Ouais. Moi, ça me ferait rire. Juste une croûte farcie. Ouais. Ah ouais. Ça doit. Je demande au chef de te le livrer en personne. On va prendre la croûte farcie et le pepperoni on the side. On the side. Is that a pepperoni or are you just happy to see me? C'est quoi ça? Est-ce que tu as un pepperoni dans ta poche ou t'es content de me voir? Ah! C'est le gag, le célèbre gag, où t'es-tu content de me voir? Tu n'entends pas, t'as un pepperoni dans l'oreille, c'est ça? Oui, exact. Ouais. Okay. Ouais. Hey, hein? On parlait de Pizzeria 69, là. Non. Je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là, là. Mais la pizza. Oh, ouais. The pizza. Hey, je pense qu'on n'a jamais parlé de The Pizza. Non, on a parlé de la poutine en masse. Oui. Ouais. Je domine Château d'un. Oui, hey, incroyable. Wow. Les ailes de poulet chez Château d'Un sont délicieuses. Je sais pas c'est quoi Château d'Un. Château d'Un. C'est quoi le cégep, man? La best place où manger. Parce que là, tu sais, tu peux pas livrer chez Château d'Un. Oui. Mais c'est encore mieux de manger. Genre, ça tape deux places qui est aux côtés de la porte. Oui, il y a deux tables, je pense. Ouais, il y a. Il y a sur la porte, l'autre pas sur la porte. Il y a comme trois places et demie assises. Puis, c'est ça. Mais c'est ça, c'est petit, c'est vraiment pas super convivial, mais leur bouffe est écœurante. Incroyable. On va se le dire. Ils ont une pizza là, avec la sauce à spag sur le dessus. Ils font comme cuire ta pizza, ils la ressortent du four. Avez-vous déjà mangé la pizza avec du spaghetti dedans de chez Stratos? Non. Ah, oh, c'est bon. Oh, ouais. Parce que... Tu as déjà essayé le spaghetti avec la pizza dedans? Ça s'appelle prendre un pizza Getty puis couper ta pizza puis faire un mix avec les deux. Mais c'est parce que chez Stratos, ça s'appelle pizza Getty. Ben, oui. Moi, je le demande à la serveuse, peux-tu me le découper tout puis me le mélanger? Ah, OK. Mais va chez Stratos. Tu prends la pizza aussi? Avec le spag dedans. Mon Dieu, je sauverais du temps. C'est fantasmagorique. Moins de type. T'as juste un... Ouais. Hey, de quoi, là, qui m'énerve, là? On parle de type, là. Vous autres, typez-vous gros dans la vie. Trop. Moi, ouais, apparemment, je type trop. Ouais. J'ai l'impression que je suis trop poli dans mes types. T'sais, exemple, là, dans un bar étudiant. Ouais. Mettons. Sur un campus, ouais. Exemple. Ben là, t'arrives, la bière, je sais pas moi, une pièce à l'heure. Là, tu dis, ben, désespoir, je vais en prendre genre. 20. Exactement, c'est ça, là. Mais mettons, on va être raisonnable, on va dire, je vais en prendre 8. Laissez 2 bières. Le type, c'est amplement suffisant. Ça devrait, ouais. Parce que l'action de t'amener les 8 bières est ce qui compte et non pas un pourcentage de l'ensemble de l'achat de la bière, il me semble, dans un bar, non? Non, exact. Ben, moi ce que je devrais commencer à faire puis que je trouverais vraiment cool. D'ailleurs, je pense que j'en ai un dans les poches. OK, montre-nous ça, là, à caméra 3. Traîner, genre, des washers. Tu sais, des washers puis des notes. Ah, mais tu donnes bien, t'es pas correct. Puis là. Tu donnes ça en type? Ouais. Puis là, mettons, non, mais ça, c'est quand t'as un mauvais service. Là. OK. Parce que, genre, t'es tellement mauvais, si tu le fais dans sa face, t'es un washer. Tiens, vas-y, la grande, c'est pour toi, garde-toi. T'sais, parce que. Fais-toi un collier. Ça arrive beaucoup trop souvent que la serveuse, là, ça a plus rapport avec le bon anniversaire, là, soit petit temps passé. Non, le serveuse, c'est là, la chasse galerie. Watch out! La serveuse au restaurant débarque, puis elle dit: est-ce que tout va bien ici? Oui, merci. Ça s'en va, là. Ça, t'sais, t'as même pas le temps de répondre. Toi, t'as la bouche pleine. T'as l'impression d'être chez le dentiste. Et, ça coule sur le bord. Ça m'énerve. C'est comme une cassette, on dirait. Tu sais, ouais. Comme les bars. Avez-vous déjà vu ça, les poupées qui avaient comme des cassettes dans le dos? Tu tirais sur une petite corde? Oui. Non, moi, c'était comme ma soeur avait eu ça. Moi, c'était comme. Moi? Il a dit non, moi. Non, mais un instant. ma soeur avait ça, c'était comme des grosses batteries de deux, des batteries qui pèsent une demi-livre et demi. C'était comme une espèce de petite plaquette que tu rentrais. Exact. Là, tu pouvais y enlever, tu mettais une cassette. Là, okay. Là tu pouvais t'enregistrer, fait qu'elle avait un piton record, ouais. Elle avait comme un micro d'un bobette. Là, tu disais allô. Là, après, tu faisais sur play, puis elle faisait comme allô. Pis, c'était modifié, genre. Ah, ouais. Okay. Puis. Moi, c'est qu'est-ce que t'as fait? Ben, moi, je me rappelle que ça m'a vraiment fait battre triper parce qu'elle commençait à manquer de batterie. Fait que la cassette roulait comme au ralenti. Ouais. Là, mais tu comme. Ça faisait vraiment peur. Aïe. Ça, la même affaire, un Furby qui manque de batterie, là. Hey, ça, oui, hein. Puis, les maudits Furby qui se réveillaient à genre 1h30 dans la nuit pour faire comme. Là, quand il n'y a plus de batterie, là, il a l'air d'être possédé par Satan. Là, ben c'est sûr, y a pas, c'est le film là, avec des quasiment Furby dedans. Là, c'est comment les méchants, les gremlins. Ça ressemble pas mal à des Furby. Là, ouais. Les Furby sont revenus à la mode des magasins de jouets, c'est revenu les Furby. Ben, j'espère bien, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Ah, ben, domestique. Voir, pour la Saint-Valentin, là, messieurs, mesdames. Un Furby. Achetez-moi un Furby. Ben, pour Tania, oui, c'est ça. Mais pour les autres, hein. Y'a pas juste Tania dans la vie. Non. Y'a moi. Ouais. Mathieu veut un Furby aussi. Non. Mathieu, tu veux un Furby? Non, ça va aller. C'était quoi ton jouet préféré que t'as eu quand t'étais enfant? Bonne question. Quand même, tu me ramènes loin en arrière. Je sais pas. Ça me revient pas par en tête. J'ai comme un blocage, je pense. Attends, mon Dieu, veux-tu qu'on en parle? Ouais, c'est ça. Combien de temps qu'on a avant la prochaine chronique? t'as pas eu de Furby? T'as-tu eu un Super Nintendo? Ah, j'ai eu un petit chien, à un moment donné, un petit chien électronique là, au début des années 2000, je pense, peut-être fin des années 90. C'était un petit chien électronique qui faisait à peu près n'importe quoi, puis il marchait. C'était cool, ça. Je me rappelle avoir eu ça. C'est le fun. Ouais, mais j'aime pas les chiens, fait. Ah. Mais c'est le fun. C'est les chiens. Dans le fond, t'as jamais eu de beaux cadeaux, mais ça, c'est un peu triste. Ouais, une enfance difficile, ça. Hein? Pas de Furby, un petit chien électrique que t'aimes pas les chiens. Électrique. Ça va mal. Ouais. Merci de me ramener à ça. J'étais ma mère jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà reçu un coupon. Payer ce cadeau. J'ai déjà reçu un coupon pour l'épicerie ramener sur le yogourt. Hey. J'aime pas le yogourt, puis je suis intolérant au lactose. Ça fait l'image, je trouve. Ouais. Ouais. D'ailleurs, le yogourt, c'est pas un jouet. Ah, ouais, papa! Le yogourt, c'est pas un jouet. Tu t'apprendras. C'est dégueulasse. C'est vraiment. Ah! Pourquoi c'est dégueulasse, le yogourt? Tania! Ben. T'es aussi intolérant au lactose, j'avoue, c'est ça. Ouais. Ça donne des petits picots rouges sur la peau. Ouais. Ouais. Ah, c'est des picots rouges? Je pensais que c'était autre chose. Ouais, moi, c'est autre chose, c'est ça. C'est mal ou pas? C'est chacun ses symptômes pour l'intolérance au lactose. Ah, t'as une intolérance au lactose? Je te jure. Incroyable. Pour toi? Pas ben, toi? Moi, tout va bien. Ok, ben va-t'en dans notre studio. Tout va bien. C'est quoi ton allergie préférée? Oh. Le prochain chroniqueur arrive pas, fait qu'on peut continuer. Ben oui, ben ça. Mon allergie favorite, je dirais le latex. Ouais. Sinon, est-ce que tu t'es déjà enveloppé dans du papier saran wrap? Non, jamais. On a déjà fait, par exemple, on a déjà collé quelqu'un au mur avec du duct tape. Attends, est-ce que tu veux que ce soit toi qui sois allergique au latex? Ouais, ou c'est pas clair, hein? Là, je commence à me sentir intimidé par... Ben, c'est comme toi quand t'as parlé de mon père. Fait que... Prends ton trou. Ben, écoute, Mathieu, là, si t'as un problème avec des discussions sur ton père et le latex dans la même phrase, c'est pas moi qui ai un problème, là, c'est toi. Ce serait un peu particulier, hein, si jamais... Parce que moi, j'ai comme cette manière-là de désamorcer des situations qui sont embarrassantes, c'est de faire des vraiment blagues pas drôles sur ce qui vient de se passer. Et des phrases mal construites. Oui. Oui, entre autres. C'est un de tes talents. Donc, oui, moi, j'ai ça à mon CV. Construction, phrase mal. C'est ça à ton ACV, je pense, un arrêt cardiovasculaire. Ça, c'est pas drôle, monsieur. Excuse-moi, j'ai pas l'air de rire de ça, t'as raison. Hey, la maudite pub. C'est quoi ta pire maladie? La pire maladie? Ça va. Le paluvisme. Ah, c'est quoi ça? Une perte de cheveux? Non, le paluvisme, c'est genre... je sais même pas c'est quoi, en fait. Quand il y a de la peau morte, tu le bout. Quoi? Hein? Comment? Répète-moi ça en ondes, s'il te plaît, plus voyons. Fort. Voyons. Hein? Voyons. Ça existe pas, le paluvisme, c'est le paludisme. Ça, là, c'est à cause que hier, j'ai joué à l'hostie du jeu. Hey, chaque part, non. Ben, c'est le nom du jeu. Mais là... Puis, il y a une carte qui s'appelle « Faire du pied d'athlète des fesses ». Je pense que ça serait la pire maladie. Mais là, ever. Tania, là, moi et Mathieu, on voulait t'en parler depuis un petit bout. On trouve que tu fais comme 12 interventions dans ma chronique. Ouais. Et à toi, fois, là, c'est super très vulgaire. Ouais, c'est vrai. Et puis. C'est peut-être parce que j'essaye de suivre votre lignée. C'est ça, Blandon, la victime? C'est ça, moi. Ouais. Bref. Hey, je vais écrire une lettre ouverte là-dessus. Dans le campus sexuel. Dans le campus. Merci, Gabi. Ouais, je vais m'en aller avant d'avoir des mises en demeure. Justement, le rédacteur en chef s'en vient. Fait que, Bonne fin de journée. Hey, bonne journée, Gabi. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, à 8h30. Oui. Bye. Bye. Au retour de la pause, ce sera notre ami, le rédacteur en chef, Louis-Philippe Quentin, et la chronique du journal Zone Campus. Restez à l'école! Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Reiki, en ce mardi 9 février 2016, c'est l'été cabonneur. Avec Mathieu Plante. Hey, aujourd'hui, c'est bada boom, bada bing. On passe d'une chaise à l'autre. En fait, les gens se partagent la même chaise. On a plusieurs, mais ils prennent toutes la même. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'ils ont une préférence pour cette chaise-là. C'est une chaise communautaire. Une chaise comme une autre. Une chaise comme une. C'était comme un jeu de mots semi, ça. Ouais. Puis, ça me laisse très, très semi. Donc, voici la chronique du journal Zone Campus à Croquant. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef du journal Zone Campus, est avec nous. Bonjour. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi-même? Absolument, absolument. Et on va commencer notre zone campus d'aujourd'hui, qui sort en fait en kiosque là. Disons dans une heure. Dans une heure environ, dépendant de quand vous nous écoutez. Donc en une, on retrouve le spectacle de Louis-Jean Cormier. On y reviendra en art et spectacle tantôt. Commençons par les actualités. Comme le journal commence par ça, à un moment donné, on va y aller dans l'ordre. Hein? Voilà. Donc plus de 1000 visiteurs aux portes ouvertes de l'UQTR. Effectivement, Mathieu, donc... simplement de mentionner que il y avait beaucoup de monde encore une fois aux portes ouvertes puis que comme c'est mentionné dans l'article là, vous pouviez faire votre inscription lors de l'événement. Donc on est content que l'événement ait été un succès puisqu'on veut toujours plus d'inscrits à l'UQTR. Absolument. Ton mot de la rédaction, on va passer rapidement dessus, mais fabulation pop alternative. Ouais, ben en fait, ça parle du show de Louis-Jean Cormier, fait qu'on va y revenir, qu'on va parler du show de Louis-Jean Cormier. Absolument. On va rester en actualité avec donc le carnaval étudiant de l'UQTR, un succès sur toute la ligne. Voilà, donc j'ai pas participé au carnaval. Cependant, semble-t-il que c'était vraiment le fun, comme à chaque année. Ouais. La thématique, cette année, on se souvient que c'était Nouvelle Génération. Donc, vous pouvez voir la clique des métalleux en photo dans notre deuxième page d'actualité. Un article de Marie-Pierre Pruneau. Et ça, c'est l'association de l'ADER. Oui, exact. Ceux qui ont gagné, c'est pas eux, c'est l'AEDC. Non, c'est pas ça, qui roule pour une troisième année consécutive, c'est ce que ça veut dire. Exact. Voilà. À la recherche d'un emploi d'été, vous pouvez peut-être postuler pour avoir un poste à l'École internationale de français cet été. Effectivement, l'École internationale de français recrute pour son édition 2016. Donc, je connais personnellement des gens qui ont fait l'expérience. Oui. Puis, il semble-t-il que c'est vraiment, vraiment le fun parce que, c'est dans le fond, tu enseignes à des gens souvent de ton âge ou des environs. Donc, tu as un peu sur le party en même temps que tu apprends à des gens à parler ta langue. Tout à fait. Nos deux précédentes rédactrices en chef, Myriam Lorty et Stéphanie Paradis, ont toutes les deux fait l'EIF. Donc, toi, tu viens de briser la chaîne. Oh! Ah, est-ce que tu es après me dire qu'il va falloir que je m'inscrive? Va falloir. Ensuite, nouveau campus du QTR à Drummondville. On savait déjà que ça existait, mais fort succès lors des portes ouvertes. Pareil comme à l'UQTR, mais même, je pense, plus de succès. Ben oui, en fait, il y a eu. J'ai quand même trouvé ça drôle quand j'ai lu cet article-là, de constater qu'il y a eu plus de 1000 visiteurs, oui, aux portes ouvertes de l'UQTR. Grosse université, ouais. Avec, je sais pas, plus de 10 000 étudiants. Plus de 10 000 étudiants. Puis il y a eu 2301 visiteurs au pavillon. Mais faut dire que c'est nouveau. Campus. Ouais, c'est ça. Alors que l'UQTR ici, c'est un petit peu pas tant nouveau. Ça attire les ouéreux. Les ouéreux. Les ouéreux. Les ouéreux. Donc 2301 visiteurs, 530 nouvelles inscriptions. Il y a une personne là-dedans qui aurait pu être revirée de bord pour que ça fasse 2300, ça le dit? Comment ça le dit? Ah bon, c'est pas. L'histoire dit pas si elle s'est peut-être désistée. Peut-être. C'est bon. Se sentant mal d'avoir défait le nom. Ben. dans la recherche à l'UQTR, on parle d'un futur traitement pour soigner le VIH. C'est pas une sauce pour mettre sur son steak, ça? Non, c'est pas une sauce pour mettre sur son steak parce qu'il y a un I entre les deux. Ah, ah, ah. Qui parle d'immunodéficience humaine. Donc, oui, le VIH, maladie, virus plutôt. Virus plutôt qui a fait beaucoup de ravages dans les années 80 et qui continue d'en faire aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup de recherche qui est faite de ce côté-là. L'UQTR. En fait d'ailleurs partie. Si j'ai bien compris, c'est que Caroline Dufour, en fait, qui est en première année à la maîtrise en biologie cellulaire, étudie le virus par ses facteurs de restriction, c'est-à-dire des protéines cellulaires qui bloquent l'infection. Donc, tout ce qui va restreindre, en fait, la... comment je dirais ça? Restreindre le fait que l'infection elle-même se répande. Puis, nous, ce que je me demandais en lisant l'article, c'est en testant un virus aussi intense que le SIDA, ben que le VIH plutôt, c'est différent. Ouais. En testant un virus comme celui-là, est-ce que c'est pas dangereux de... De l'attraper? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, hein? Tu sais, je sais qu'il porte des gants, là, mais c'était quand même une question que je me posais. Mais je pense que c'est 100 à 100. OK, 100 à 100. C'est seulement 100 à 100? Je pense que oui, je dis ça comme ça. On parle vraiment de chapeau un peu, là. Moi, je pensais qu'une poignée de main, c'était... Non, c'est pas assez, mettons. Il faut qu'il y ait un acte de changement de salive ou de... Non, je sais quoi, il faut qu'il y ait des lésions ou... Ouais, c'est comme ça. Comme dans tout genre de... Toutes les ITS, des choses comme ça. Cependant, je me posais malgré tout la question, parce qu'elle fait des recherches, elle est constamment exposée à la chose. Puis, étant donné qu'elle agit avec des cellules du virus qui sont non réplicatives, c'est comme si le virus était mort, okay. Mais qui était quand même encore dans la même composition. Ça lui permet de faire ses expériences sans aucunement avoir à être exposé au réel virus. Donc, il y avait une réponse à la question dans l'article. C'était là, je voulais en venir. Voilà. Très voilà. Intéressant. Intéressant et quand même spécial. C'est une fille qui s'appelle Dufour puis qui parle, qui étudie les maladies transmissibles sexuellement. Dufour. Mon Dieu. Ah, ouais, je sais. Tu fallait pas la faire. Étudiants internationaux, une hausse possible des frais de scolarité. Oui, en effet. Hop, je tourne de page. Une hausse possible des frais de scolarité pour les élèves, pour les étudiants qui viennent de l'étranger, en fait, qui, selon le gouvernement, auraient additionnellement une augmentation de 25% de leurs frais de scolarité. Évidemment, c'est pas belle fun pour eux autres. Puis l'AGE QTR, quant à elle, se range contre cette lancée du gouvernement. Cette hausse, oui. On va suivre ça, on va suivre ça. On a trois chroniques en actualité. Commençons par l'éditorial de Lucas Hubert. La censure ou les infortunes de la vertu? Voilà, donc Lucas pose plusieurs questions dans cette chronique par rapport à par rapport à la liberté d'expression elle-même. Est-ce que ça vaut la peine de censurer les propos de certains? On connaît l'espèce de scandale qu'il y a eu avec Mike Ward il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc c'est quelque chose sur quoi il revient. Puis il se pose également ces questions-là d'un point de vue plus politique. Est-ce que on doit censurer le mensonge, donc lorsque dans les médias il y a quelque chose qui est faux, par exemple dans certaines radios démagogues un peu plus, est-ce qu'on devrait censurer ça étant donné que c'est faux, ou on devrait tout simplement laisser la liberté à d'autres de dire qu'ils sont pas d'accord? Exactement, c'est plus ça. Ben je pense aussi, mais il y a quand même plein de questions qui se posent à ce sujet-là. Absolument, dont la phrase clé ici, cela fait beaucoup de bruit quand un imbécile dit des imbécilités. Voilà. C'est la citation en plein milieu de l'article. Ouais. Toujours en chronique, l'enverdeur, c'est la chronique environnementale, l'enfant terrible du climat. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant terrible du climat, je trouvais ça fort stylisé comme style pour constater finalement que c'était pas si loin de la réalité, puisque l'article parle de El Nino, et que El Nino veut dire l'enfant. L'enfant. Oh. Voilà, j'ai appris ça en lisant l'article, étant donné que je ne suis pas, je crois, hispanophone, là, si je me trompe pas, c'est de l'espagnol. Ouais, puis un enfant fille, c'est Nina, hein, c'est ça? Nina, ouais. Nina, mais je crois qu'on prononce Nina, effectivement. Nina, ben on prononce Nino aussi, en fait. Ah, bon, Nino. Ok. Je sais pas. Mais oui, donc El Nino s'appelle l'enfant, donc vous savez un peu ce que c'est El Nino, vous savez pourquoi il faisait chaud ces dernières semaines. C'est pas simplement dû au réchauffement climatique, mais aussi à El Nino. Cependant, ce que Anthony nous explique dans son article, dans sa chronique, c'est-à-dire, c'est plutôt que si le courant chaud en soi devient plus chaud à cause du réchauffement climatique, le courant, lui, fait le tour de la planète, donc il va passer par les endroits plus froids de la Terre, par exemple, tous les endroits où il y a des banquises. Pas le restaurant Poutine. Non, pas le restaurant Poutine. Ben peut-être, écoute, je sais pas, il y a peut-être un tuyau d'égout El Nino en dessous des Poutines. Mais ouais, donc ça va juste. Si le courant devient plus chaud à cause du réchauffement climatique, ça va juste accélérer la fonte de la banquise. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux vraiment intense. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça qu'il nous explique dans sa chronique. Cool. La petite vite, c'est la chronique sexualité. Il s'échange entre Marie-Ange et Anthony. Donc là, c'est Anthony Morin qui nous parle de la fidélité revisitée. Ouais. Donc, la fidélité, notion aujourd'hui qui est de plus en plus floue. Tenons-nous-le pour dit. Donc, Anthony analyse ses diverses surfaces. Et se demande en fait qu'est-ce que c'est réellement la fidélité. Est-ce que c'est l'exclusivité sexuelle ou c'est tout simplement la dévotion sentimentale? Oh, c'est gros comme question. Non, c'est vrai que c'est une grosse question. Puis tu sais, je pense que en 2016, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Ouais, je pense que oui. Puis c'est une question aussi qu'on voit. Est-ce que c'est à Radio-Canada, je sais plus, la série qui vient de commencer, ça fait déjà un bout quand même, là, Sexplora. Ah! Ça s'appelle. Ouais. Super intéressant, puis je crois que c'est une des questions qui est posée, où l'espèce de thème de l'émission tourne autour de la fidélité, puis on se demande dans le fond, oui, il y a la fidélité, mais il y a aussi les orientations sexuelles qui rentrent là-dedans, parce qu'il y a certaines personnes qui sont simplement asexuelles. Puis que, tu sais, pour eux, la fidélité, c'est donc automatiquement seulement sentimental, pas physique. T'sais, d'autres choses comme ça, donc, question fort intéressante et chronique fort intéressante. Tout aussi, à fait. Justement, c'est la semaine de la santé affective et sexuelle, donc le jeudi 18 février, il y a une conférence sur ça. Voilà, mentionnons-le. C'est où? Ça doit être écrit quelque part. La semaine commence le 11 février. La conférence est le jeudi 18 février. Et puis c'est au... attention, c'est au... sur l'heure du midi. Et... Kiosque au pavillon Ringuet. Voilà, merci. Voilà. On va en société maintenant avec Tania. Oui, Kevin Gaudreau qui nous revient entre les deux pôles. On parle d'inceste, un sujet fuit comme la peste. Ouais, on n'est pas loin de la sexologie, encore une fois. On reste full thématique. L'inceste, en fait, Kevin nous parle pas de l'inceste comme on la voit dans Game of Thrones. il nous l'a... C'était malade, ça. Ouais. Je viens de dire, là. non, il nous parle de l'inceste psychologique, en fait. OK. Donc, je sais pas si vous savez c'est quoi l'inceste psychologique. Non. C'est quand même de quoi que j'ai appris, je vous dirais, en lisant le texte. L'inceste psychologique, c'est davantage insidieux, peut-être un peu moins intense que l'inceste mm-hmm. physique. On s'entend que l'inceste physique, ouais, c'est quand même... passer à l'acte. ouais, quelque chose. Mais l'inceste psychologique, c'est plutôt une relation qui se... un peu métissée, un peu étrange entre un parent et son enfant, par exemple. Okay. Donc... comment je dirais ça? OK, mettons un enfant comme un gars qui va continuer de dormir dans le lit de sa mère à 15 ans. Uh-huh. Des choses comme ça, là, qui tu sais, un enfant qui est un peu rendu un peu trop vieux, embrasse encore ses parents à la bouche. Des choses, tu sais, vraiment comme pas si graves que ça, mm-hmm. mais qui dénotent peut-être quelque chose dans l'arrière-pensée. Un petit problème, ouais. Un petit peu plus bizarre, tu sais. Il va nous explique aussi, Kevin, que c'est le désir de contrôle de la mère sur son fils ou du père sur sa fille plus tard que l'âge normal. Donc, tu sais, l'espèce de concept de la mère poule, mm-hmm. tu sais, qu'on dit « Ah, c'est la mère poule, c'est cette madame-là », mais dans le fond, il y a t'sais, peut-être des fois, il y a des résidus de quelque chose d'un petit peu plus insidieux là-dedans, puis c'est quelque chose, dans le fond, qui c'est un concept qui est assez flou, c'est-à-dire, mais Kevin le démystifie un petit peu dans sa chronique. L'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles, c'est Christina qui nous revient avec « Prêcher pour sa paroisse ». Voilà, donc comme toujours, Christina nous parle un petit peu de bouffe, mais cette fois-ci, ça tarde un peu plus au magazine de nourriture, en fait. Donc, vous nous parlez, par exemple, de Dinette, Bouffe, Science et Fourchette. Donc, des magazines alternatifs à ceux qu'on est habitué de voir, comme Ricardo ouais. ou... trois fois par jour, elle va aussi se poser la question, tu sais, pourquoi est-ce que trois fois par jour a besoin d'un médium papier aujourd'hui, puis comment est-ce qu'on fait pour filtrer, en fait, toute l'information qu'on a mm-hmm. par rapport au monde de la cuisine. Non, ça, depuis tout à l'heure, c'était pas loin. J'ai essayé de t'éteindre la table, mais j'ai pas réussi. On a eu comme un petit avant-goût. Oh là là. Mais ouais, donc, c'est ça... t'sais, on a beaucoup en ce moment de... On est beaucoup sollicité par l'Internet par rapport à la bouffe, rien que sur Facebook, c'est infernal. Ah ouais. Juste nos amis Facebook qui vont poster des photos de leur repas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour filtrer et apprendre? De ça. Exactement, au lieu de juste consommer du food porn. Ouais. À chaque folie. Moi, c'est ça. Hein? Je me souviens, au pouvoir citoyen, c'est Jean-François Veilleux qui arrive avec « Je t'aime, tu m'aimes ». On s'aime, mais s'aime différemment. Exactement. On s'aime... comme semer. Comme voilà, semer. Comme semer. JF, qui sait que c'est la Saint-Valentin. Oh, il est allé chercher loin. Regardez le calendrier. Donc, il nous parle de la Saint-Valentin et un peu de ses perceptions à travers l'histoire, des manières qu'avaient les gens de la fêter. D'ailleurs, fait saillant, saviez-vous que la Saint-Valentin est née dans l'Antiquité? Ah non. Oh, je savais pas. C'était une fête païenne que la Rome antique a ensuite réutilisée. Qui était célébrée le 15 février, non, le 14 février avant tout, sous le nom des Lupercales. Les Lupercales? Les Lupercales, oui. Donc, Lupercales, il y a le mot lupus là-dedans. Je ressors mes cours de latin. Lupus qui veut dire le loup, en fait. Parce que à Rome, on se rendait à sacrifier une chèvre le jour de des Lupercales dans la grotte où la louve qui a allaité Rémus et Romulus aurait, dans le fond, se serait occupé de Rémus et Romulus qui, eux, auraient créé Rome, tu sais. Puis, wow. Ouais, fait que ça vient de vraiment loin, cette fête-là. Puis ensuite de ça, évidemment, la chrétienté se l'est attribuée. Ensuite, les multinationales. Ça, je sais pas si c'est dans l'article. Non, en fait, c'est dans l'article, évidemment. JF nous parle aussi de la conception très capitaliste qu'on a aujourd'hui de cette fête. Oui, définitivement. Mais délicieuse. Alexandre Zaramizwiki. Zaramizwiki. Non, pas Alexandre Zaramizwiki. Ouais. Qui nous parle de l'accent circonflexe dans sa petite... caricature, et je dois avouer qu'elle est très bonne. Oui. Vous allez pouvoir voir tout ça. Ah, il te reste juste opinion. Excusez, c'est rare que j'ai l'opinion. Gabriel Sénéville nous parle du cinéma d'auteur, un outil de réflexion existentielle. Oui, donc, comparativement à la lettre d'opinion du dernier numéro, qui était fort polémique, cette fois-ci, on a une note d'opinion un petit peu plus... C'est sur le viol, la dernière fois. Oui, exactement. Donc, un petit peu plus culturel, en fait. Gabriel nous fait, d'un certain point de vue, une ode au cinéma alternatif à travers le réalisateur Bernard Aimont. Voilà. On va en spectacle maintenant. Louis-Jean Cormier, on l'a dit en début de chronique, c'est lui qui fait la couverture. Il était au Carnaval étudiant en 2016, un univers sonore tout particulier. Oui, donc parlons-en. Judith nous a écrit un article là-dessus. Je vais en profiter là pour vous plugger mon monde de la rédaction. Oh, bravo. Je suis allé au show de Louis-Jean Cormier. J'ai pas participé au Carnaval, sauf pour le show de Louis-Jean Cormier, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Puis j'étais curieux de voir, évidemment, à quoi ça ressemblerait dans un... en performance, dans le fond, live. Un contexte de Soulon, mettons. Non, dans un contexte de party, parce qu'on s'entend que son dernier album n'est pas nécessairement un album de party. Plus ambiant un peu. Ouais, c'est ouais. Ça. Donc, je me demandais comment il traduirait ça pour un public qui ouvrons les guillemets, est en boisson. C'est ça. Donc, j'ai réalisé que finalement, ben, c'est tout simplement en jammant ses tunes, puis en les rendant vraiment plus psychédéliques ouais. que sur l'album. Donc, c'est fini le banjo, c'est fini les guitares acoustiques, c'est vraiment deux grosses guitares lourdes, puis Simon Penneau, son guitariste, qui utilise sa guitare presque comme un synthétiseur. Sincèrement, c'est un spectacle de haute voltige musicale. Ouais. C'était vraiment des excellents musiciens qui avaient sa scène, incluant Louis-Jean Cormier, que si vous le connaissez comme chanteur, sachez que vous pouvez aussi le connaître comme guitariste, parce que c'était vraiment incroyable. Sincèrement, ça vaut la peine, puis à sa manière, il sait faire lever le party, tout en qu'on le veuille ou non. Transmettant des chansons qui sont relativement textuelles. Quelque chose d'autre que t'aimes, je crois que c'est Oregon Mood au Café Frida. Oui, effectivement. Ça, c'était le 28 janvier dernier. Oui, effectivement, le 28 janvier dernier, l'expérience Oregon Mood au Café Frida. Donc, je sais pas si vous connaissez Oregon Mood, Mathieu et Tania. Moi, non. Non. Est-ce que vous connaissez Stéphane Lafleur? Il va falloir que tu me dises dans quoi il était. C'est un réalisateur. Avec Podcast. Oh oui, ok, oui. Donc oui, réalisateur québécois d'Avec Podcast et chanteur d'Avec Podcast qui a signé récemment, ben récemment, le film est sorti l'an dernier, Tudor Nicole, qui est allé au Festival de Cannes. Mm-hmm. Donc, Oregon Mood, c'est Christophe Lamarche-Ledoux et Mathieu Jacques. La portion musicale de la chose, c'est également lui qui fait la musique des films de Stéphane Lafleur. Donc, c'était ça l'information que je voulais plugger. Oui, c'est un jeu artistique, Oregon Mood, composé de, comme je disais, Christophe Lamarche-Ledoux et de Mathieu Jacques. Comme je vous dis, Christophe fait la musique. Mathieu Jacques, quant à lui, signe le visuel du spectacle. Donc, il va se promener quand ils font des shows avec... avec quatre rétroprojecteurs, puis en direct, pendant les shows, il va improviser un peu ses œuvres, dans le sens où tout est imprimé sur des acétates, il va dégraver à mesure que le spectacle avance, en espèce de symbiose avec la musique qui se passe. Puis ce qui était très intéressant également, c'est qu'à un moment au début du spectacle, ils ont demandé à quelqu'un du public de prendre une espèce de d'émetteur, puis de le mettre sur un micro, c'est-à-dire de le mettre sur son cœur, puis ils ont jammé avec le rythme cardiaque de quelqu'un du public. C'était sincèrement, puis visuellement, c'était époustouflant. Mm. Un spectacle fort intéressant. Ça doit. Vernissage au Café Frida, on va rester au même endroit. Embellir le grotesque, c'est l'exposition d'Aurélie Lacroix. Voilà, exposition qui s'oriente sur le portrait, très particulièrement, mais avec un œil nouveau. Donc, c'est des œuvres qui sont réalisées soit au pastel, soit au crayon de bois, mais qui vont toujours réutiliser des couleurs assez vives pour représenter des ombrages qui sont en fait ce qu'on a toutes dans notre face à tout moment de la journée. C'est juste que là, ils sont vraiment réinterprétés avec la couleur. Puis sachez aussi qu'il y a dans l'exposition des portraits de chats, parce que Aurélie peut également faire le portrait de vos animaux, si vous voulez. Ouais. Si vous voulez voir, j'en ai un. Oui, sur mon bureau, d'ailleurs. Au bureau, disons, le campus, voilà. Où l'avion est rébeau chemin, c'est Billy Pain. Voilà, mon chat est maintenant immortalisé au pastel gris. Et c'est vraiment super beau. toujours en art visuel et toujours avec Marie-Christine Perra, c'est l'exposition au Centre Raymond Lanier. Donc, l'article s'appelle « Le vent l'emportera ». Exactement, donc juste mentionner que l'exposition « Paysages épuisés » est là jusqu'au 6 mars, donc au Centre Raymond Lanier. Génial. Passons en chronique maintenant. On commence avec la tienne, Louis-Philippe Quentin. Vénétariat de casier pour Chronique de Lunatique. Voilà, cette semaine, je vous parle en fait de classification de la culture québécoise. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête un petit peu, puis je sais plus en fait qu'est-ce qui m'a fait décliquer sur... sur ce concept-là, mais... Je pense que t'as encore les pays d'en haut, là, dans ton... Ouais, c'est ça, ça. Je pense que ça a encore rapport avec les pays d'en haut. Là. Ça a toujours rapport. Toujours rapport. Mais... Obsédé. Dans le fond, je m'oriente un peu... J'analyse un peu plus le point de vue musical cette fois-ci. Pas des pays d'en haut, mais de la culture québécoise. Pour tout simplement vous dire que... en fait, on a tendance, je crois, au Québec, étant donné qu'on est un petit milieu culturel. Donc, c'est un... Tu sais, on exporte, oui, en France, mais... Je veux dire, techniquement, on reste quand même un microcosme assez fermé pour notre musique plus particulièrement francophone. Donc, automatiquement, quand on a quelqu'un à étiqueter, on le fait. Donc, par exemple, Jean Leloup, c'est un peu comme le fou du village de la culture québécoise. Ça, vous serez d'accord avec moi qu'à chaque fois qu'on attend une entrevue de Jean Leloup, on s'attend à ce qu'ils disent des niaiseries. Ouais, c'est ça, des réponses même si de toute évidence, quand on écoute ce qu'il dit, c'est relativement intéressant. Mais on attend qu'il fasse sa niaiserie. Puis je reprends son dernier passage, tout le monde en parle. Je trouvais que c'était une entrevue super sensationnaliste. C'était triste parce qu'il y a de quoi d'intéressant à dire, Jean Leloup. Mais si tu lui poses des questions pour qu'il réponde des niaiseries, il va répondre des niaiseries. Ouais. Puis tu sais, de la même manière, la seule artiste qui s'est... exporté hors Québec qu'on aime vanter, c'est Céline Dion. Mm-hmm. Comme s'il n'y en avait jamais eu d'autres. T'sais, on pense que c'était la meilleure. Ouais, exactement. Mais là, il est en nomination là, pour, je pense, c'est les Junos. Jean Leloup, effectivement, pour meilleur album. Au Canada anglais. Oui. Canada anglais. Parce que, entre autres, pour les Junos, les ventes rentrent en ligne de compte. Ah, ben oui. Étant donné qu'au Québec, on a quand même une culture, disons, en santé dans la mesure où on peut l'être. On a beaucoup de ventes qui se font seulement ici. On est capable de rivaliser avec le reste du Canada juste au Québec. Juste avec notre propre culture, c'est assez fascinant. Ben. Mais donc, c'est ça, on classifie un petit peu. Jean Leloup, c'est ce concept-là. Si on prend, même dans la culture alternative, Olivier Langevin de Galaxy, par exemple, même concept, c'est le Guitar Hero québécois. Mais il y a plein d'autres bons guitaristes au Québec. Ouais. Ben oui. Pis, le concept revient avec, Éric Lapointe. Éric Lapointe, on le sait quand on pense à un rockeur au cœur tendre. Ben oui. On pense à Éric Lapointe, on pense à des bagues. Paul Deslauriers, un homme du Québec, il vient d'ici, a été sacrifié deuxième meilleur guitariste de blues au monde il y a une semaine. Wow, c'est vrai, le premier. Ouais. Est-ce que tu sais c'est qui le premier? Si je me souviens bien, c'est un Américain du Texas. Ah. OK, ouais, ça fait du sens. Ouais. Mais on a également parlé de mon guitariste Steve Hill. Oui. Qui vient d'ici, donc je sais qu'il est assez reconnu, mais tout ça pour dire que faut pas classifier, il faut ouvrir ses yeux. Stéphane Beaudin, meilleur drummer au Canada. Stéphane Beaudin. Ouais. Il drame pour qui, Stéphane Beaudin? Name les respectables. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, intéressant. Toujours en chronique, on va du côté littéraire avec les visions d'Anna et c'est The Dark Side of Dali. Voilà, Annabelle qui nous parle donc de Salvador Dali, que vous connaissez évidemment pour ses très populaires œuvres surréalistes. Et également, c'est un personnage très égocentrique et charismatique. Salvador Dali qui, de 52 à 63, a tenu un journal qu'il a publié en 64. Le journal s'appelait Journal d'un génie. Ah. Donc, quand on dit... Il s'est nommé lui-même comme ça. Ouais, fort narcissique, okay, ouais. Ben, Salvador Dali. Ses pièces, ses toiles démontrent quand même assez un génie. Bon, de certains points de vue, ouais, mais de se l'associer à soi-même. Ouais, c'est ça. C'est un peu ambigu, mais d'où le fait que le journal doit être pas mal intéressant. Donc, il a été publié lorsque Salvador Dali avait 60 ans. Puis il va par moments agir comme une espèce de dandy vraiment bien séant, par d'autres moments avoir des propos assez scatologiques, disons. C'est un journal donc très éclectique qui doit être fort intéressant à lire. Donc si ça vous intéresse d'en parler, page 17 du Zone Campus. Et maintenant page 18, la prochaine chronique c'est celle de Michel Robitaille, La Petite Ténébreuse, sur le thalidomide. La thalidomide, pardon, quand la science n'est pas au point. Savez-vous c'est quoi la thalidomide? Aucunement. Le médicament en tant que tel, c'est ça? Ouais, tu le savais, ouais, toi? Ouais, ouais. Ah, mais j'avais aucune idée avant de lire ça. Parce qu'on appelle souvent le handicap, ou en tout cas ce que ça cause, on appelle ça thalidomide, mais c'est en tant que tel le médicament à la base, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. T'as lu l'article en le posant, hein? La culture générale sur des affaires qui sont un petit peu moins générales qu'il devrait peut-être. Ou Michel te l'a dit, on sait pas. C'est un des deux. Là, il a triche. Wow. Bref, donc, parle-nous. La thalidomide. Voilà. si je le prononce bien. Oui, oui. C'est ça. Thalidomide était un médicament dans les années 50 qui a ensuite donné son nom à, en fait, des déformations physiques, puisque pendant un moment, pour enlever les nausées des femmes enceintes, les médecins ont prescrit vraiment à outrance là, okay, ouais, le médicament de la thalidomide pour réaliser après coup que les femmes qui consommaient ça, parce que ça fonctionnait, là, il n'y avait plus de nausées, plus de migraines, c'était vraiment un bon antidouleur. Puis au final, le problème, c'est que les enfants qui naissaient suite à consommation de ce médicament-là était quand même assez déformé. Oups. Malheureusement, on voulait vous mettre une photo, mais on n'avait pas assez d'espace dans le journal. Mais ça cherche très, très, très bien. Oui, c'est ça. Ça cherche effectivement bien sur Internet. Tu sais, c'est pas des déformations du genre j'ai un doigt croche. C'est plus le bras au complet. Sa croissance. Exactement. Donc, assez intense. Puis ça, c'est arrivé au Canada, aux États-Unis. Là. C'est pas quelque chose... La médecine, parfois, c'est de l'essai-erreur. Hein? Voilà. Mais juste quand tu fais de la recherche... On va sûrement savoir que plein de choses qui se sont là, consommées probablement qu'il y a des médecins qui vont me trucider d'avoir dit que c'était de l'essai-erreur. Mais ça l'a déjà été. C'est ça. Même aujourd'hui, c'est ça. C'est juste que ça se fait sur des animaux. C'est ça. Mais prenez par exemple au Moyen-Âge, je recule il y a vraiment longtemps, mais lorsque quelqu'un se blessait, qu'il y avait une plaie ouverte... On faisait une saignée? Non, avant les saignées, oui, on mettait des excréments sur la blessure. Ah bon. Rien de moins. Une tartine de... Ouais. C'est ça. Puis, ben, tu sais, les gens, de toute évidence, mouraient. Ben, ils étaient tués, en plus. Ouais, tu sais, je veux dire, ça a clairement pas aidé leur cause au Moyen-Âge. Clairement pas. Bref, c'est un sujet vraiment super intéressant, pour vrai. On passe au sport, avec Tania. Oui, du côté du hockey, le match du carnaval étudiant entre les Patriots et les Redmen de McGill a été gros. On en a parlé ici à la radio, mais les Patriots se sont moqués des Redmen. Voilà, donc, devant une foule de plus de 1400 personnes, étant donné que c'est le match du carnaval... il y avait beaucoup plus de gens. Ouais. Les hommes de Mark Etienne-Barre ont fait les choses en grand en battant, dans le fond, les Redmen de 1 à 1 parce que mon journal, en ce moment, a une grosse barre noire devant le barrage. 6-1. 6-1. Merci. Nos imprimantes étaient un petit peu défectueuses. Vraiment devant c'était le jeu, la marque de 6 à 1. Ouais. Donc, 6 à 1. Félicitations aux Patriotes. Non loin de 1400 spectateurs, on le rappelle. Là, ça serait le fun que ce soit de même à tous les fois. Oui, vraiment. Week-end explosif pour les Patriotes. C'est Louis-Philippe Carbonneau qui nous revient avec un autre article. Le rouleau compresseur trifluvien, dit-il. Et il n'aura jamais su si bien dire. J'ai-tu bien dit ma phrase, moi? Oui, je crois que oui. Si bien dire, voilà, OK, c'est ça l'expression. Il n'y avait pas de double négation. OK, c'est bon. Donc, les Patriotes qui sont allés en Ontario pour battre, en fait, les Paladins. 13-0. Ouais, 13-0. Ouais, ça, c'était une écrasante victoire. 13-0 ainsi que 8-1 contre les Lakers de Nipissing. C'est ça, Nipissing? Nipissing. C'est drôle, mais c'est mal. C'est comme ça, c'est la vie. Championnat provincial de natation, c'est Vincent Mongrain qui nous parle. Les Patriotes finissent la saison en force. Voilà, donc on rappelle que les Patriotes... avec en natation, ont une équipe assez nouvelle, donc composée de beaucoup de nouveaux nageurs. Malgré tout, c'est en force qu'ils ont su terminer leur saison. Ce que Charles Labrie, l'entraîneur, nous dit, c'est que tout ce qui est dans l'eau et dans les virages a très bien marché. Par contre, il reste encore du travail à faire au niveau de la vitesse de nage pour ces nageurs. On a un nageur vétéran, Alex Gélina, qui... a fini avec des temps comme 26.43 secondes et qui s'est démarqué, qui s'est rendu en fait jusqu'en finale deux fois. Donc évidemment un vétéran, plus d'expérience. On ose espérer qu'il va transférer cette expérience-là aux autres nageurs. On lui souhaite beaucoup de succès pour la prochaine saison. On passe du côté du cheerleading. Les Patriotes sont en bonne voie pour accomplir leur objectif, nous dit Chloé Labrevue. Exactement. Donc, il se rendait cette fois-ci à l'Université de Sherbrooke pour accumuler en fait 10% du pointage... annuel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en cheerleading. Donc, ils ont accumulé 85,4 points ainsi que 87,6 points lors de leur performance pour se mériter la troisième place, en fait, dans ce classement général. Jusqu'à présent, donc, on lui souhaite de remonter, évidemment. Et c'est tout pour les voilà. Sports. Voilà. Hey, passe vite ça. Donc, l'autre journal sur le campus, aux deux semaines. Celui-là est en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui. Donc, en milieu d'avant-midi environ. Toujours le mardi aux deux semaines. On te lit aussi sur zonecampus.ca, sur le blog. Exactement. On trouve la page Facebook. Oui. Zone Campus. Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans deux semaines, mardi. Bonne journée. 9h. Bonne journée. Allô, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Oui. C'est fou comment toi tantôt tu t'es étiré, Tania. Là, j'ai entendu Louis-Philippe s'étirer, puis je pense que j'ai entendu ses craquements de doigts dans son dos. Je pense que oui. Quand moi aussi. C'était très drôle. Merci encore une fois à Louis-Philippe Quentin. Merci aussi à Jimmy Thibodeau pour sa craque, c'est dans le monde que ça se passe. Merci à Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luître. Demain, on sera mercredi. On aura nos classiques Sébastien F. Gartin à 8h pour la chronique Lutin-Gartin. À 8h30, Google Globe avec Frédéric Bernard. Et on devrait avoir quelqu'un de UQTR en spectacle demain. En fait, c'est à 7h30. Oui, c'est Lintan et Harry, les deux seuls qui font un numéro musical anglophone. Voilà. Voilà, donc c'est demain entre 6h30 et 9h30. Soyez à l'écoute. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 11h, le dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neurones. Tania et moi serons de retour à 15h pour les Palmarès C'est fou. Ensuite, à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. C'est .ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Et on se quitte là-dessus. Bonne journée. Bon café. Bye.